Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, le podcast qui vous fait découvrir le monde du comics. Donc, je suis autour d'une table avec une équipe exceptionnelle. On va commencer par les filles parce qu'on est un peu galant. Et elle n'a pas envie qu'on commence par les filles, c'est pas grave. Et salut Ruby, ça va ? Bonjour, bonjour, enchantée, bonsoir plutôt. Je ne sais pas quoi dire du tout en fait, j'avais pas pensé qu'il fallait que je me présente. C'est pas grave, c'est pas grave. On va passer à la deuxième femme du groupe. Je suis pas drôle en fait, c'est pas grave. C'est Maxime, bonjour Maxime. Bonjour, je serai la caution girly de ce podcast. Exactement. Parfait. Et la caution tableur Excel aussi. Et la caution tableur Excel. Il vous fera un tableur Excel pour vous expliquer pourquoi Babstar est la meilleure dessinatrice du monde. Tout à fait. On passe aussi, il y a Thomas avec nous. Bonjour, je m'appelle Thomas. Je fais des vidéos sur YouTube. Donc c'est Thomas, soi-disant le geek chic. Le geek chic, voilà. Tu n'as pas mis nos papillons aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai oublié chez moi, mais voilà, je m'appelle le geek chic. Et parle dans le micro, s'il te plaît. Voilà, mais t'inquiète, c'est bon, ça gère. Et donc du coup, je fais des vidéos sur les comics, sur des séries, et bientôt on parlera aussi de films. Voilà. Le seul qui correspond en fait, c'est Thomas, parce qu'il arrive à se présenter comme il faut. Et on a Tom Tom aussi avec nous. Bonjour Tom Tom. Bonjour. Le meilleur ingénieur du son du monde. Sachez-le, c'est lui. Il l'a fait une fois et c'était la meilleure du monde. Ouais. C'est pour ça qu'ils m'ont jamais repris. Exactement. Parce que c'était trop bien, on n'arrivait pas à avoir le. Enfin, moi, je me lance dans des vannes. Je ne connais pas la chute. Il y a eu mon nom au générique de fin, j'étais content. C'est cool. On va passer donc au sommaire de ce podcast. Wow. On va vous parler de news, on va faire des petites news, on va parler de Rebirth, on va parler de Marvel Now, on va parler de plein de trucs comme ça. Après, on va faire des reviews de comics, parce qu'on est là pour parler de comics quand même. Donc chacun sa petite review, ça c'est cool. Et après, on va faire un petit quiz et on va terminer. Ah non, on va pas terminer puisqu'on avait dit qu'on ferait un truc... Oui, je me fais mon programme moi-même dans la tête avant. Donc après, on va parler de la version Extend de Batman vs Superman, le meilleur film de 2016. Non, clairement, bien film sûr. Ninja Turtle. Pas d'accord là-dessus. Mais non, tellement pas. Après, Ninja Turtle. Je m'oppose à ça. Donc on débattra pour savoir si c'est le meilleur film, mais tout le monde le sait, les vrais savent, c'est le meilleur film de 2007. RT, si ta tortue préférée c'est Donatello. Et on va finir avec un petit truc, parce que je vous l'avais dit, mais est-ce que vous y avez pensé avec un petit truc hors comics? Moi je vais vous parler de Steven Universe, mais est-ce que vous avez un truc à parler? Moi je vais y réfléchir le temps du jeu. Je vais y réfléchir aussi. D'accord, je sens le truc de merde qui arrive. Il va y avoir de la bonne impro là. Moi, je vais vous parler des gynécos à Montpellier. D'accord, ça c'est bien ça. C'est une histoire longue. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne me suis pas présenté? Eh bien, je vais me présenter. On va te présenter sinon? Non, je me présente tout seul, je suis très grand. Moi, c'est James de l'Amicale du Geek. Et vous me connaissez parce que je suis très famous. Voilà. Une communauté de plus de 1000 abonnés, attention. Plus de 1000 abonnés, exactement. Bientôt 2000. Combien de bientôt 2000. 420, ok. Mais... 419, okay. On a perdu un abonné. Attends, je vais m'abonner si tu veux. Comme ça. Ah ouais, c'est bon, 420 ouais, abonnés. On a retrouvé le... Donc bah je salue toute ma communauté de l'Amicale du Geek. On vous aime, vous êtes beaux. Tout le monde est retour autour de cette table. Toute ta communauté. Les quatre. Ils sont. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a un pouce vers la dernière. Il y a notre réalisatrice Faye qui est en train de nous faire des signes. Je ne comprends pas le langage des signes. Ça ne sert à rien de me faire des signes. Ah oui, on voulait faire la dédicace à... Comment il s'appelait déjà? Merde. Nicolas, excusez-moi. On va faire une petite dédicace à Nicolas qui est venu Salut nous Nicolas. Voir. Qui est venu... qui est venu nous voir à la PCE, qui a voulu prendre une photo avec nous et c'était trop mignon. D'ailleurs, on lui fait une petite dédicace parce que c'était cool. Tu oublies peut-être la chose la plus importante de ce podcast. Et oui, et on remercie aussi la Game Taverne qui est la gentillesse de nous accueillir et ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment gentil. On dit merci la Game Taverne. Vous pouvez venir voir boire des verres et jouer à des jeux, ça c'est cool. Et Planète Interdite qui a accueilli notre émission vidéo, c'était cool. Donc le comic shop de Montpellier, hein Maxime? Wow. Oui. Vas-y, dis tout le bien que tu as de... Planète Interdite. Big up à Laurent, hein, toujours dans nos cœurs. Exactement. Et à J7ND qui a permis un peu, la réunion de cette équipe. Si, si. Exactement. Je ne sais pas qui est cet homme. C'est le plus grand liker du monde. Il like tous les posts du monde. Ouais, il like tous les posts du monde, en un coup. C'est son super pouvoir. Ouais. Il y a notre assistante réalisatrice qui fait du petit cœur. Alors, on va commencer les news quand même, au lieu de dire de la merde comme ça. Et on va commencer avec les invités de la Paris Comic Con. Est-ce que... Ah oui, toi, tu as été la dernière à la Paris Comic Con, je crois. Alors, je donne mon avis sur Thomas, oui, vas-y, donne ton avis. La Comic Con de l'année dernière, je vous explique, c'était de la grosse merde. Donc, d'accord, ça commence bien. Je vous invite à ne pas y aller. Mais vraiment, non, c'était mal organisé. C'était normalement basé sur les comics et il n'y avait même pas Urban Comics, donc pas de DC. Et il y avait très peu de stand goodies, enfin c'était vraiment nul. C'est... Ouais, mais là il y a Kate Cassidy, donc Maxime il va y aller. Les meilleurs invités ont tous annulé, Messi Williams et Brian Michael Bendis. Ouais, il y avait Bendis qui devait y aller, qui leur a dit fuck. Fallait venir dès les 10 premières minutes pour. En même temps, pourquoi t'as envie de voir Frank Miller quoi? Tu veux te faire cracher à la gueule? Fasciste. Parce que t'as envie qu'ils disent que ce que t'aimes c'est de la merde en fait. Sale France, c'est une merde, voilà ce qu'il dit. Mais ce serait bien d'avoir une dédicace de Yaron ou quoi. En plus, il y avait Brian Azzarello justement. Ouais, c'est cool. Bon. Cette année, on a plein de noms. Vous êtes prêts pour le name dropping? Vas-y. Termine par la meilleure en dernier, s'il te plaît. Je termine par la meilleure en dernier. Je ne sais pas ce qu'est la meilleure en dernier, mais je l'ai déjà dit, je crois. Oui, mais... On va quand même... On va commencer les comics. Alors, avec un mec dont je suis désolé, j'en ai aucune idée de qui il est. C'est Mirko Kolak. Ah si, je vois qui c'est là d'un coup, là. Et je ne l'ai pas dit, c'est c'est du 21 au 23 octobre 2016. En fait, oui. Thomas pas drôle 2016. Oui, voilà, exactement. Donc ça se passe du 21 au 23 octobre 2016 au Grand Hall de la Villette à Paris. Donc voilà, c'est pour les gens qui voudraient. Nous, on est team Parc des Expos. Non, Parc Floral. Ouais, team Parc Floral, team PCE jusqu'au bout. Ouais, PCE, c'était le meilleur. Quand même. Donc, alors, Mirko Kolak qui était sur Red Skull avant. Il y a aussi Chad Hardin qui était sur Harley Quinn. Eric Larsen, donc c'est à mon avis le gros nom de cette Comic-Con, parce que Eric Larsen, c'est quand même un des mecs qui a fondé Image Comics. Donc c'est pas grand-chose. C'est pas rien. Et c'est le mec qui a créé Savage Dragon. Donc, voilà. C'est... Un petit gars, c'est... Mais ta gueule, toi! Et aussi, alors, Terry Moore, qui a fait Stranger in Paradise. Tony Moore, qui a bossé sur The Walking Dead, puisque c'est pas lui qui a créé Walking Dead. Fear Agent. Je commente un peu, tu vois. Non, ce n'est pas lui. Greg Pak, je crois que j'ai vu son taf. Je crois que c'est pas mal ce qu'il fait. Je crois. Marcus Tho. Oui, il a fait Low chez Image. Ok, c'est cool. Non, chez Vertigo. Chez Vertigo. Il a bossé sur Red Robin et sur Batwing, apparemment. Et en invité ciné-série, vous avez alors le meilleur acteur du monde, Dominique Purcell. Ah oui, moi, j'adore ce mec, en vrai. T'adores Dominique Purcell? J'ai regardé un film avec lui il n'y a pas longtemps, une vieille série B. Parle dans le micro, s'il te plaît. Mais j'adore ce mec. C'est Valhalla Rising, non? Ou Valhalla, je sais pas quoi, là? Non, c'est un truc où c'est un flic. Mais ce mec n'a aucune expression faciale. Il n'a aucune expression faciale. Prison Break, best série of ever. Oh non. Après Legend of Tomorrow. Oh putain, mon Dieu, les gens. Ici, c'est Team CW. Ouais. Exactement. Bon, après, il faut savoir combien de personnes vont annuler leur visite aussi. Oui, Alors, il y a aussi William Simpson, je ne sais pas, qui joue dans Game of Thrones. Notre expert en Game of Thrones. Alors, William Simpson, exactement, je ne vois pas du tout qui joue. Il joue dans Game of Thrones un des personnages. Voilà. Oui, voilà, c'est très bien. Qui n'est pas mort pour l'instant. Tu sais, d'accord. La saison dernière. C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. C'est Odor, non? Il y a aussi, je pense que la seule raison qui m'aurait fait peut-être déplacer, c'est Elisa Dushku. Oui. Oui. Vas-y, oui. Explique qui c'est qui. Alors, Elisa Dushku, c'est Face qui joue Face dans Buffy. Et c'est genre la meilleure. Et elle joue dans Banshee en ce moment. Et elle a fait True Calling. Et elle a fait Dollhouse. Elle a fait. Oh. Voilà, elle fait plein de trucs. Et Ruby l'adore. Moi aussi, je l'adore. C'est mon bébé. Genre, voilà, j'y vais. C'est ton bébé. Elle. Je pense qu'elle est plus vieille que toi. C'est mon bébé. C'est pas grave. Je vais à la Comic Con exprès pour elle, comme ça. Bon, voilà. Ouais, tu vas à la Comic Con. Donc tu vas à la Comic Con. Je vais à la Comic Con que pour Elisa Dushku. Après le reste. Ok. Tu vas pas les voir. Alors le nom que j'avais déjà révélé. On va y aller ensemble. Katie Cassidy. Est-ce que tu vas payer 80 euros pour aller manger un bout avec elle? J'ai payé ma place déjà, ça y est. Pourquoi? Ah ouais, pour aller manger un bout avec Katie Cassidy. Juste pour ça. Ouais, 80 boules. Et du coup, t'as eu le numéro. Il va avoir Dominique Purcell et après il va. Mais est-ce que t'as eu le numéro au moins? Mais je lui ai envoyé un message sur Instagram, elle m'a dit ok, je viens, t'inquiète rien. Il n'y a pas de problème. Elle m'a dit t'es mon best fan of the world. Et pour ceux qui ne savent pas qui c'est Katie Cassidy, c'est la pute de Laurel dans Arrow. Elle est morte, mais on s'en fiche. Putain, c'est pour ça qu'elle va au Comic-Con. Oui, bah oui, elle a plus de rôle, donc il faut bien qu'elle se fasse de l'argent. Quand elle Flashpoint, elle va peut-être revenir. Ah, on ne sait pas, on verra bien. Tu es en train de spoiler les news qui vont suivre. Et comme on est dans les conventions, on va parler du TGS, donc à Toulouse, qui se passe le 26 et le 27 novembre, et qui a des invités comics. D'après notre hôte, est la pire convention ever. Ouais, enfin non, c'est pas la pire convention, mais moi j'ai pas... Il y avait des bons invités. Là, il y a des bons invités, mais je trouve que les allées sont vraiment trop petites, on peut pas se déplacer. Et moi qui est un peu agoraphobe, j'ai pas aimé le TGS. Le TGS, il y avait Gillian Anderson. Sérieux, je n'ai même pas entendu parler en fait. Ok, et donc cette année, il y a Kevin Nowlan, donc c'est un artiste culte complet, ayant bossé sur Hellboy, Batman, Superman, Green Lantern, Moon Knight et X-Men. Redis le nom. Kevin Nowlan. Ok, j'ai aucune idée de qui c'est. Le frère de Christopher Nowlan. Après, il y a le petit chéri de Maxime, Est-ce que tu sais de qui je parle ? Oui, c'est le tigre. C'est Bengal. C'est le petit Frenchie qui a bossé sur Supergirl et sur Bad Girl. Est-ce que vous aimez Bengal ? Alors, franchement, j'adore son style de base. Il est grave cool, vraiment. Et il fait le comics Overwatch en ce moment. Contre, ceux qui jouent Overwatch. D'accord. Sérieux ? Oh. Non, c'est de la merde. tu sais, le signe de tête comme ça de nom, c'est pas du tout radiophonique. Ah. Et il y a aussi Ramon Bax, ou Bach, qui a bossé sur Star Wars, sur Batman, sur Civil War, sur World War Hulk. Donc un mec qui a bossé pas mal chez Marvel. Ça, c'est pas mal qu'il fait. Enfin, voilà. J'ai l'impression qu'il dit ça, mais qu'il ne sait pas du tout qui c'est. Non, c'est si, parce que du Star Wars, sur World War Hulk, j'ai forcément lu, mais je vois à peu près son style. Mais... Il y a aussi Thierry Mornay qui a bossé sur le Garde Républicain. Et, le mec qui a toutes les conventions. Ouais, bah c'est un français en même temps. Hein. Et aussi Paul Renault. Paul Renault qui est sur Captain America en ce moment. Qui est aussi sur toutes les conventions. Mais en même temps, il faut bien qu'il mange, le pauvre. Et après, il y a des invités Blizz Comics. Et ça, c'est cool. Ah, tu es content, Maxime ? Tu es content ? Très. Alors, il y a Trevor Arsene qui a bossé sur Judge Dredd et Soldier Zero. Et Per Perez qui a fait du Action Comics et du Bad Girl. Donc voilà, ce sera tout pour les conventions. J'espère que je vous aurai hypé un peu. De toute façon, d'ici novembre et tout, tu vas reparler. Sûrement, s'il y a d'autres invités plus intéressants. John Noble, tu crois qu'il y aura John Noble ? Ah, bravo. Et on fera une émission spéciale Cathy Cassidy. D'accord, avec un invité Cathy Cassidy et Dominique Purcell. Et on va passer à Marvel Now. Marvel Now. Tu es prêt ? Prêt. Tu es prêt ? Alors on va commencer avec Humberto Ramos et Mark Waid. Attends, si j'étais toi, déjà j'amènerais Marvel Now, tu vois. Comment c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Ah, d'accord. Ouais, bah vas-y. Je croyais que t'avais bossé tes news. Moi j'ai bossé mes news, mais j'ai pas bossé que mes news Marvel Now, j'ai fait plein de trucs. Ouais, mais quand même, on peut défendre quoi. Mais ferme ta gueule, toi. Alors, si vous le savez peut-être, en ce moment, il y a l'event Civil War 2. Et ça a l'air très nul. I've got money. C'est ça. Mais, du coup, à la fin de ce joli event qui a été spoilé par toutes les news, un certain héros meurt. Ah oui, c'est vrai. C'est qui ? Il est joué par Robert Downey Jr. au cinéma. C'est le podcast du spoil, en fait. C'est le podcast du spoil. D'accord. Donc si vous ne le saviez pas, Iron Man, Robert Downey Jr. est mort. Non, Robert Downey Jr. n'est pas encore mort. Mais malgré son train de vie, ça ne risque de pas tarder. Mais Iron Man est mort dans Civil War 2. À la fin de Civil War. De quoi ? Si tu parles pas dans ton micro, ça va pas le faire. Iron Man devient une femme black, c'est ça ? Oui. Elle prend le costume. Du coup, à la fin, il y a un nouveau statu quo qui s'appelle Divided We Stand. Donc, division, nous restons debout. Du coup, il y a des nouvelles équipes que tu vas présenter incessamment sous peu, exactement. Et du coup, il y a des nouvelles séries qui sont lancées. Oui. Notamment deux séries Iron Man, Infamous Iron Man, où. C'est Doctor Doom qui reprend le costume. Tout à fait. Et l'autre, où c'est et la après, meuf. C'est la meuf. Carrément spoil en fait. Oui, mais c'est l'émission du spoil. Hein. Mais tu veux savoir qui est le Joker ? Je peux te le dire tout de suite. Alors, il y a trois. C'est parti. Non, mais franchement, c'est chaud quand même. Parce que Secret Wars, c'était il y a combien de temps ? C'était il y a un an. Et c'était nul. Voilà, déjà, c'était nul, on est d'accord. Mais en plus, c'était du Hickman. Un an, rebooté juste un an quoi. Genre, les ventes, elles ont baissé aussi. En fait, non, les ventes ont baissé. Ce que t'as pas compris avec Marvel, c'est que tous les ans, ils vont relauncher. Tous les ans, ils relaunchent. Y a pas de problème. Oui, mais du coup, ça fait une saison, ça fait comme des saisons de série. Personne se plaint que Game of Thrones, la saison 6, elle arrive un an après. Oui, mais c'est pas des comics. Ouais, non, mais du coup, les statu quo de personnages, ils changent tout le temps. Et mais non, on a carrément plus Iron Man. Du coup, les events, ils veulent plus rien dire. Ils ont même plus de conséquences quoi. C'est bah si, ils ont des conséquences. Ça change 6 mois après, tu vois. tu vois, tu fais tes 6 mois normaux. Boum, un event de 6 mois. Bim, nouveau relaunch. Non, mais si c'est des events comme Secret Wars, moi je préfère en passer. Franchement, Secret Wars, c'était bien. Hein. Moi j'ai pas. Rappelle-moi, t'as lu combien de numéros ? J'en ai lu un. T'as même pas lu J'aime pas Hickman, donc ça m'a suffi quoi. Non, c'est vrai que c'était pas ouf quand même. Je trouvais que c'était bordélique Secret Wars. Donc on va parler des nouvelles séries. Je finis ? Tu finis, vas-y, finis. Du coup, il y a deux nouvelles séries qui sont vraiment notables, je pense, selon moi. Il y a Thanos. Ah oui. De Jeff Lemire et Mike Dubalfo Jr. Mmh. J'aime beaucoup Lemire. J'aime beaucoup Mike Dubalfo aussi. Il fait des jolis trucs, je trouve. Je sais pas qui c'est, mais j'aime beaucoup Lemire. Et du coup, ils veulent donner une grandiloquence à Thanos et ils le décrivent comme le Dark Vador de Marvel. D'accord. Carrément. Ils veulent en faire un grand méchant central. Ok. Et après, il y a le retour de Jessica Jones Par Brian Michael Bendis. Ouais, par l'équipe originale, quoi. Et Michael Gaidos. C'est le même dessinateur. Ouais, ça a l'air, c'est toujours aussi moche. Quelqu'un. C'est un truc que je, du coup, je ne lirai pas. D'accord. Et pourquoi c'est la série la... Un truc moche, c'est le truc le plus marquant pour toi de Marvel, non? Ouais, je... Enfin, après, il y a mon petit chéri du cœur, tu vois, mais tu vas cracher dessus. Vas-y. C'est Spider-Man, Renew Your Vows. C'est Spider-Man, il est de nouveau avec Mary Jane, il a une petite fille. Mais attends, mais ça, c'était dans... C'était dans Marvel Now. C'était dans Secret Wars. Et du coup, il le relance parce que du coup, ça a super marché. Mais pourtant, la fin était nulle de Renew Your Vows. Mais du coup, et y a une f- et du coup, c'est aussi la fin de... Comment ils vont faire, en fait je comprends pas. C'est aussi la fin de... Merde, comment il s'appelle celui qui fait super... Dan Slott. Parce que du coup, il... Ah, c'est la fin du run de Dan Slott. Du coup, il le tège, ouais, après 10 ans de bon loyer service. Après... Mais il commence à vieillir, le pauvre, hein, parce que Spider-Man qui devient une espèce de Batman Inc. Des familles, ça fait un peu peur. Quoi. Autant Super Spider-Man, c'était vraiment génial. Autant ce qu'il a fait après, c'était... Du coup, ça, c'est ma série, je pense, que j'attends le plus, tu vois. Mais de toute façon, t'es un fanboy de Spider-Man. Je suis un fanboy de Moi Spider-Man. Aussi. Mais je savais pas que... Mais il y a une autre série, je crois, tu m'en as parlé tout à l'heure, qui... avec une guêpe, par hasard. Ah oui, il y a Unstoppable Wasp. Putain, quel accent magnifique. Notre petite chérie, Elsa Chartier. Ouais. Qui, du coup, bon, moi le perso me hype pas du tout, mais comme j'aime bien les achartiers, peut-être que j'achèterai. Après, là, dans le run All New Different, elle a un gros rôle, donc... Ah ouais. Mais c'est laquelle de Wasp? Je spoil? Vas-y, c'est le podcast de Hank Pym. Wow. Boom, spoil. Hein? Ouais, ah, mais... La fille de Hank Pym. C'est bon? Je peux enchaîner? Alors, moi, je vais vous parler d'une nouvelle série. Oh putain, c'est Hope! C'est une série sur Hope? Non, c'est pas Hope. Ah, mais c'est la fille de Hank Pym. La fille de Hank Pym, c'est Hope. C'est pas la Hope de... Du film. Du film. Du Cinematic Universe. C'est une autre Hope. Mais non, c'est pas Hope, c'est... C'est une autre Pym. C'est pas Evangeline Lilly. Oui, c'est une autre. Dommage! On aurait préféré. On va passer à autre chose, enfin toujours dans Marvel Now. Moi je vais vous parler de la nouvelle série de Mark Waid et de Humberto Ramos. Humberto Ramos. On aime tous Humberto Ramos autour de cette table, je pense. Grave. Parce que c'est un super Spider-Man avant dessinateur. Et de Mark Waid aussi, alors qui passe sur une nouvelle série qui s'appelle Les Champions, qui est composée de plein de petits jeunes de l'univers. On s'en fout, c'est ça? C'est ça. Mais d'après ce que j'ai lu, apparemment le nouveau statu quo de Divide We Stand, c'est les jeunes contre les vieux. Et apparemment, cette équipe va mener un côté du statu quo des Marvel. Mais non des mondes. Alors, il y a un jeune cyclope. Ouais. Ah oui, c'est celui de... Celui de... All New X-Men. All New X-Men, c'est vachement cool. Oh les gars, c'est ça en fait. Après, il y a, Miss Marvel, Nova, Vive, la fille de Vision. Je ne savais pas qu'il avait une fille. Ouais, il faut lire la série. Miles Morales et le nouveau Hulk qui s'appelle... Avec qui? J'en mais il faut lire la série, il y a une série, j'ai avec WANDA. Donc c'est vraiment le truc que tu montrais tout à l'heure en fait. Okay. Les gens comprendront pendant la review de Ruby. Ouais. Du coup le nouveau Hulk a un nom très très bizarre qui s'appelle Totally Awesome Hulk plutôt que juste Hulk. Avant il s'appelait Dr Green, c'était plus simple quand même. Ah. Dans son dernier statu quo, il s'appelait Dr Green. Okay. C'était nul. Ouais, c'était nul. C'était le Hulk hipster en fait. Il avait une barbe et. Non, mais c'est pas un jeune, je crois que c'était un jeune. Non, mais. Non, mais c'était Bruce Banner. C'était Bruce Banner, c'était pas Adam. Pré-Secret Wars. Ouais. Ah, d'accord. Et moi, ça m'aurait plu bien cette petite série avec Non, mais je m'en branle le Hulk. C'est Humberto Ramos et Mark Waid qui me hype un peu. Grave. Donc ça va être cool. Il dit que c'est le hype, mais du coup il va me prendre le TPB, il va jamais le lire, il va me le rendre, il va me dire Ouais, c'était bof. je passe à une autre série, c'est une nouvelle série de Thor qui va s'appeler The Unworthy Thor avec Jason Aaron, et c'est cool parce que c'est Jason Aaron sur Thor, c'était cool. Parce que je sais pas si vous avez lu son run avec En opposition du coup avec The Mighty Thor qui est actuellement et qui va continuer. Ok. Et t'as sorti de tout ça ou pas? Non, pas du tout. Parce que ça sort en VO c'est en automne. This fall, 2016. Voilà, exactement. Du coup, pour être précis sur Thor, il va y avoir le Thor avec le Thor féminin. Et le Thor... Du coup, c'est The Mighty Thor. Et The Unworthy Thor, qui est un autre Thor. Du coup, Thor n'a plus son marteau, il a une hache et un bras métallique, c'est ça, depuis. Je sais pas. Oui. Tu as l'air plus... The Mighty Thor. Moi, je lis que du DC, en fait. C'est pour ça que je fais un podcast où je parle beaucoup de Marvel. C'est vrai que dire Thor, c'est Faux. Non, mais ce que je disais, c'est que Jason Aaron, sur Thor, c'était vraiment cool. Son run avec Ezra Bridger qui était vraiment cool. Ouais, c'est là où Thor s'est fait couper le bras, justement. Ouais, Thor God of Thunder, c'était vraiment sympa. Ouais, c'était cool. Et j'ai une autre... God of Thunder. God of Thunder, exactement. Donc j'ai une autre news. Alors c'est une série qui va annoncer un nouveau statu quo. On a utilisé beaucoup ce terme, un peu trop, je pense. Si vous savez pas ce que ça veut dire. Eh ben, vous saurez pas. Allez, cherchez un dictionnaire. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais les Marvel commencent un peu à lâcher petit à petit les X-Men. Surtout qu'ils sont tous en train de crever. À cause de la Fox, c'est ça en gros. Ouais, comme ils n'ont pas les droits, ils mettent en avant plus les Inhumains. Et en plus, comme ils ont lâché la brume tétrigène, je ne sais pas si vous savez. Tératogène, s'il te plaît. Ah, moi, sur l'article de Comics Blog, c'était écrit tétrigène. Donc, Donc, qui tue, en fait, c'est une brume. Dès que vous la respirez et que vous avez un gène X-Men, et ben, enfin, non, un gène mutant, vous crevez. Non, pas du tout. Mais... C'est pas ça ? Pas du tout. C'est pas ça ? Non, en fait, c'est si tu veux. Black Bolt, Flèche Noire. Non, mais tu vas nous raconter l'effet de la. Du coup, ça te rend stérile. Du coup, il n'y a plus de reproduction de mutants. Ah. Mais est-ce que les Inhumains marchent, contrairement aux X-Men qui marchent bien en série ? Est-ce que les Inhumains, ça se vend bien ? Bah, c'est chiant, les. Enfin, moi, ce que j'ai vu de Marvel, c'est nul. Après, il y a des grosses équipes dessus. Il y a Charles Soule. Mais justement, ils vont sortir une nouvelle série qui s'appelait Death of the X. Où ils vont nous expliquer que deviennent les X-Men depuis que les humains sont mis en avant et qu'est-ce que ça va se passer. Et c'est justement avec, si je relis bien ma news, c'est avec Charles Soule et aussi Jeff Lemire qui est sur The Extraordinary X-Men. Et Jeff Lemire, c'est un super scénariste. Et je dis pas ça parce que je vais parler dans mes reviews de deux titres de lui. En tout cas, est-ce que ça vous hype un peu ? Est-ce que non ? Non. Les X-Men, pas du tout. Non, en fait, t'es un putain troll. Toi. Ah, mais à vous ? Ah, je savais pas. Moi, j'ai jamais vraiment été grand fan des X-Men. Après, c'est normal qu'ils mettent en avant les Inhumains. Ils veulent préparer le film, monter, faire connaître mieux aux gens. Parce que je pense que c'est une équipe. C'est un côté vraiment historique dans Marvel. Et je trouve ça dommage qu'ils lâchent, comme ça leur équipe. Enfin, c'est dommage quoi. Mm. Après, toi, t'aimes pas les X-Men. Enfin, Maxime prend le micro, mais Maxime n'aime pas les X-Men. Donc, J'ai lu les deux premiers titres, All New, All Different de X-Men. Et c'est pas fou déjà. Est-ce que t'as lu All New X-Men ? Oui, j'ai lu All New X-Men. Et t'as pas aimé ? Non. C'est cool. D'ailleurs, c'est Wolf qui m'a conseillé de le lire. De quoi les All New X-Men ? Les All New X-Men. C'est pas mal, moi je trouve. Moi aussi. Le dessin est super beau. Ah oui, en plus. C'est qui déjà qui. C'est celui qui était sur Star Wars il y a pas longtemps. C'est celui qui était sur Star Wars. C'est pas Stegman. Non, je crois que c'est Stegman. Non, c'est pas Stegman. C'est pas KCD ? Non. Oh putain, je sais plus. Ah là, il va falloir passer autre chose. Dans les commentaires, vous nous le direz. Putain, c'est horrible, je sais pas. Ah, c'est perturbant. Hein, ouais. C'est pas grave. On va passer à DC, parce que DC, c'est plus important. Alors, j'ai ma news. Les Suisses qui vont enfin pouvoir lire du DC. Ouais. Parce qu'en fait, depuis... S'il y a des Suisses qui nous écoutent... Je pense pas. Parce qu'en fait, en Suisse romande, on ne pouvait pas acheter les kiosques de Urban Comics. Donc c'était un peu dommage. RT, c'était triste. RT, c'était triste. Exactement. Et depuis juin, il y a un distributeur qui a racheté, qui a acheté la licence. Et du coup, maintenant, ils peuvent lire d'ici. RT, si t'es content. Voilà. Vous êtes vraiment des connards. On va passer à une news un peu. Une news pour Maxime. Mais je sais pas si t'as aimé la série Constantine ? Je ne l'ai pas regardé. Alors c'était Preacher, c'est mieux. Ouais, Preacher, c'est cool. Je confirme. Donc en fait c'est toute la en série. Fait, tu vois, j'attendais que tu fasses cette news pour te striker quand tu vas la dire. Vas-y. D'accord. Alors c'est oui non mais ton truc, je sais ce que tu vas dire et j'y ai pensé en écrivant la news et je vais te niquer. c'est le clash. Alors c'est en fait la CW qui sur son service de replay a mis tous les épisodes de la série Constantine et donc c'est ça. Est-ce que ça nous fait penser que peut-être il va y avoir un retour de Constantine puisqu'ils avaient eu déjà un accord pour le passer dans Arrow mais c'est un accord juste pour plusieurs épisodes et là il repasse toute la série donc ça veut dire que peut-être un seul épisode hein, il apparaît que dans un épisode Constantine. Je sais pas, j'ai pas regardé, je regarde pas Arrow. Mais déjà c'était un épisode et puis d'office sur c'était NBC non? Oui, c'était sur NBC. NBC, dès la sortie de Constantine, ils avaient annoncé que ça serait dans le Arrowverse. Ok. Qui aurait peut-être pas de crossover, mais ils avaient dit que ça serait dans le mais Arrowverse. Mais je vois pas en quoi. Enfin, je sais pas si. Est-ce que vous connaissez un peu le personnage de Constantine ? Il a un impair, il est nul, c'est Derek. C'est Columbo. En gros, c'est un magicien de Constantine. Okay, le mec n'a jamais lu de Constantine. En fait, Constantine, c'est un perso qui est très très cool parce que c'est un mec très dark et c'est un enculé. C'est qui un a été con. Créé par Alan Moore. Non, il n'a pas été créé par Alan Moore. Si. Je ne crois pas. Dans la série, moi, c'est beaucoup plus édulcoré. Quoi. Oui, voilà. Mais je ne vois pas en quoi c'est intéressant de. Enfin, un personnage comme ça qui est très dark et qui est très cool. Enfin, qui est dark. qui est cool parce qu'il est, il est c'est un personnage beaucoup plus adulte, et le voir dans une série, c'est une série pour, enfin, je veux pas te être méchant avec vous, mais c'est des séries pour pisseuses. Oui, mais c'est dans le, comme il a dit, dans le Arrowverse, du coup, tu peuvent pas faire. Oui, bah oui, mais c'est pas intéressant Arrow, d'avoir un personnage. C'est comme si d'un coup tu mettais Deadpool dans Arrow. Il va pas être intéressant parce qu'il pourra pas faire, il pourra pas faire les mêmes vannes, et ouais, il pourra pas être pas crade. Deadpool dans Arrow. Oui, non, mais c'est un exemple. Il tomberait son charme de Cathy Cassidy. Bon, sûrement, exactement. Purcell s'il arrive. Donc voilà, donc c'était peut-être une petite news pour les gens qui aiment Constantine et qui seraient contents de le retrouver sur CW. Ça vient de tomber. J'ai une dépêche de l'AFP juste maintenant qui vient d'arriver. Ouais, vas-y. Le costume de Kid Flash a été officialisé. Oui, c'est vrai, on l'a vu tout à l'heure. Il est ignoble. Il ne ressemble à rien. On dirait, il ressemble beaucoup au Kid Flash de la une petite minute de silence pour putain merde. Young Justice, qui était la meilleure série animée d'ici. Jamais écrit. Oui. Donc, petite mine de. Donc, il ressemble beaucoup au costume de Kid Flash dans une vidéo. Ouais. C'est très moche. C'est très très moche. Pas dans un dessin animé, mais après dans un film, dans une série live. Donc, ouais, bah bon, bah, on est un peu triste parce que c'est dommage. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Kid Flash. Et de toute façon, je regarde pas Flash. Donc ouais, mais le personnage dans The Flash, là, Wally West, il est pas possible. Hein. Ok. Enfin, moi, il me les casse un peu. Hein. Putain, la hype autour de Flash, c'est ouf. Il y a un truc encore plus, vous êtes encore plus hypé. Vous êtes prêts à être hypé? Oh là là. Attention. C'est Sony. C'est Sony qui a peut-être trouvé son Musclor. Donc, ouais, là, putain. Ouais. De quoi? En quoi c'est une news? C'est parce qu'il y a des comics Musclor. Il y a des comics. Non, en fait, c'est juste qu'il est fan de Musclor et qu'il a voulu. Ah non, je suis pas du tout fan de Musclor. J'adore Dolph Lundgren, c'est mon acteur préféré. Oui, c'est des jouets à la base. Donc on je t'emmerde, je fais ce que je veux. Musclor, c'est podcast. Pas le mec qui est blond là, je sais pas quoi. Oui, c'est lui. C'est pas moi. Mais qui on s'en bat les gars. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Musclor. Oui, donc ils avaient trouvé leur réalisateur. Je ne connaissais pas le nom de ce réalisateur. Le mec, son nom, c'est des initiales, donc c'est MCG. Ah, et il a fait quoi d'autre? Il a fait Charlie's Angels. Il a fait Supernatural et il a fait Terminator 4. Ah ouais? Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais il est bien Terminator 4. Oui, mais Terminator 4, il est moyen. Non, il est bien. Moi, j'aime bien. Mais il a quand même participé. Excusez-moi, je t'interviens de loin. Non, ne fais pas ça, c'est très chiant. Merci. Bam. Non, mais le mec fait du. Non, mais il a quel âge? Il a 16 ans, ce mec, ou quoi? ah, bah oui, pardon. Donc, on va continuer sur cette. Donc, ils avaient trouvé leur réalisateur, donc MCG, qui a bossé sur Supernatural et qui a bossé aussi sur Terminator Salvation et Charlie's Angels. Donc. Voilà, ça hype pas trop. Et ça hype un peu moins parce qu'on sait que le mec, sur Twitter, Kalen Lutz, donc est-ce que vous savez qui c'est Kalen Lutz? Alors, Twilight, Hercule, putain, Hercule 3. Hercule, putain, mon dieu. Non, mais enfin, ce mec, c'est un tâcheron, quoi. Enfin, sans être méchant avec lui. Pas le Hercule avec Dwayne Johnson, hein, l'autre. Non, mais les deux sont nuls. Non, un film avec Dwayne Johnson, ça peut être que bien. Donc, ok, tu viens de perdre toute crédibilité. On est d'accord, Maxime. On est d'accord sur tout, Maxime. Ouais, moi. C'est ça, en fait. Donc, on espère qu'il aura la coiffure de Mireille Mathieu en blond, comme dans le dessin animé. Ça lui ira très bien, je pense. Et on va terminer avec une petite dernière news. Non, on voulait parler de Rebirth après, mais on va une petite news qui n'est pas spoilante, comme on m'a dit peu, qu'elle y était. Un petit peu. Donc, petit c'est peu. Sûr, David Ayer qui a un peu parlé sur Suicide Squad et qui a parlé notamment sur la vision qu'il avait du Batman et comment il serait dans Suicide Squad. Ok, je veux pas savoir, je vais me boucher les oreilles. Non, mais c'est pas du spoil, mec. Donc il a juste dit que ce serait un Batman complètement différent de ce qu'on a vu dans les autres films. Batman puisque... meurt à la fin. Donc ce serait un Batman complètement différent. Tu aurais pu drop the mic, exactement. C'est un Batman complètement différent puisque c'est un Batman vu par... Ok, je vous intéresse pas en fait. Non, pardon, c'est juste une référence à ce que j'ai dit il y a okay. 2 heures. Moi, tu m'intéresses. Ouais, tu vois, mais j'écoute très bien. Bon, je vais parler. Alors, David d'ailleurs a dit que ce serait un Batman complètement différent qu'on a vu dans les autres films, puisque ce serait le Batman vu de la vision qu'on ont les criminels. Donc ce serait un Batman beaucoup très très effrayant et très très dark. Bah, il est déjà un peu dans BVS. Hein. Et bah, il le sera encore plus. Et ce sera nul cool. Faites certains. Attention. Thomas le troll revient. Et il a dit aussi qu'il y avait beaucoup de fausses rumeurs autour de son film et que apparemment il y aurait des flashbacks et que c'est est-ce que ça fait part, est-ce que les trucs faux font partie que par exemple Jared Leto, enfin je sais pas si non, c'est vrai, micro, ça c'est mec. Vrai, ça c'est vrai que Jared Leto il faisait des trucs bizarres sur le tournage, ouais ouais, qu'il offrait des trucs bizarres, ouais. Apparemment, mais ça c'est pas des rumeurs sur le film, il y a eu beaucoup de rageux sur ça qui disaient ouais le mec essaie de se prendre pour Heath Ledger, mais apparemment il fait ça sur d'autres tournages. Non mais parce qu'il y a une interview de Will Smith qui disait que c'était... Ouais, c'est ça que j'ai lu exactement, ouais. De toute façon, on s'en branle, le Will Smith, c'est un con. Et on va finir ces news, parce qu'un petit... Bon, ça va être une news en duo, encore une fois, avec mon ami Maxime, qui nous a fait un tableur Excel pour nous expliquer pourquoi Rebirth, c'était bien. J'ai perdu ce tableur Excel. Merde, c'est pas grave. Donc, on vous le mettra en lien dans le podcast. Donc, on a lu le premier numéro de Rebirth, et moi, j'en ai pensé du bien. Est-ce que tu veux donner vite fait ton avis sur Rebirth? Est-ce que tu veux qu'on donne vite fait l'histoire? Qu'est-ce qui se passe dans Rebirth? Après, on va spoiler à tout le monde. Mais ça spoil pas. En fait, il n'y a pas de spoil. Si tu veux, après... En fait, c'est juste Wally West de l'ancien... Non, non, mais... Alors, si vous demandez... Je veux savoir. De quoi? Si vous demandez à qui appartient la main bleue sur la couverture... Non, je vais rien dire. Il y a pas de main bleue. Dr. Manhattan. Boum. Oui, mais on peut en parler. Moi, je trouve ça intelligent. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, apparemment, dans Rebirth, dans le nouveau... L'univers de DC, en fait, est l'univers qui est créé à la fin de Watchmen par le Dr. Manhattan quand il dit qu'il veut voir... comment fonctionne la vie. Mais même dans Before Watchmen, la série Before Watchmen avec Dr. Manhattan, on avait à la fin il se rend sur Mars, je crois. Oui, il est sur Mars, oui. Et il crée de la vie. Et en fait, il crée l'univers de DC Comics. Ouais. Mais Batman trouve le badge du comédien. Ouais. Et attends, il trouve le badge du comédien. Ok, bon, par contre, ça, je suis pas d'accord. Enfin, je sens que. Et il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs comme quoi Charles va venir. l'identité du Joker serait le comédien. Alors ça je suis pas d'accord, mais vraiment là ça pue la merde en fait. Non mais après le premier épisode de Rebirth est vraiment cool, moi j'ai même pleuré. Le Rebirth qui fait 80 pages, génial, bon, il faut aimer quand toutes les pages le dessinateur change, mais chiant, ça, grosso modo ça va, c'est quand même cohérent. C'est super cool, l'histoire est bien. En fait l'histoire c'est Wally West, mais tous les autres de l'ancien univers avant Prévenue 52, qui veut retrouver sa vie en fait. Okay. Et qu'il va voir des gens de l'univers dans les Mufti tout et qui leur demande est-ce que vous vous souvenez moi, est-ce que, enfin, il est dans la Force Vélos et il va voir les gens comme ça et il y a une scène que je ne spoilerai pas mais qui m'a presque fait pleurer tellement c'était beau. Sur Instagram il a dit que ça avait fait pleurer, donc c'est un mytho. Est-ce que non, ça casse vrai. Le rythme d'avoir autant de dessinateurs sur la série? Non, franchement moi je ça casse pas le rythme, mais je suis ça, tu le vois un peu mais c'est pas tu le vois, il y a des scènes genre et après, ils ont mis les bons dessinateurs au bon moment. Genre, la scène qui parle, elle est magnifique. Elle est super belle. Elle est magnifique. Tu vois, c'est... Il aurait pas confié à Liber Mero, tu vois. Ouais. Alors, ok. Là, on attaque sur le terrain. Non, mais c'est des dessinateurs qui ont un peu tous le même style et qui s'accordent un peu. Moi, j'ai pas vu le... J'ai vraiment pas senti les changements de dessinateurs comme ça. J'ai lu le truc d'une traite. Et un truc qui est cool, et que parce que je ne lis pas de VO... Et je lis pas de trucs en anglais normalement. Et là, j'ai lu le truc. Et en fait, je l'ai lu d'une traite sans vraiment avoir de problème, sans vraiment me dire putain, merde, là, j'ai pas compris. C'est facile à comprendre. En fait, le vocabulaire de DC est super simple à comprendre. Si tu lis. Pour les enfants de 16 ans. Ouais, voilà. Alors, on s'en prend plein la gueule ici, en fait, je vous explique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si genre tu mates des. Est-ce que tu mates des séries en VO ou là tu. Oui, non, mais. Est-ce oui. que tu lis encore les sous-titres ou tu commences à. Non, mais t'inquiète, j'arrive à peu près à gérer en anglais. Et parle dans ton micro. À peu près. Non, mais on va pas parler des cours d'anglais, mais. À peu près, non. Vite fait, quand même. Mais allez. Donc en fait, tu peux lire la VO facilement. Oui, bah. Pour revenir au Rebirth avec Watchmen, mais ils vont continuer à faire des références à Watchmen dans la suite? Bah, je sais pas. J'ai peur en fait qu'avec ce crossover, ils veulent faire rentrer genre Rorschach avec Batman. Mais non, c'est pas dit ça. Hein. Non, mais c'est si pas dit. Si vous me dites que Batman a trouvé le badge du comédien, c'est carrément abusé, je trouve déjà. Mais ils y sont pas de façon Rorschach, le comédien. Non, on les voit pas. C'est juste avant qu'il a été recréé. Non, mais on voit même pas Manhattan. Ah non, ah ouais. Mais alors... Enfin, on le voit au début, parce qu'il. Oui, ouais. Non, mais... on le voit. On le voit pas, mais on le voit juste au début. Enfin bon, tout ça pour dire que Rebirth c'est pas mal et c'est mieux que Marvel Now. Voilà, merci. Au revoir. C'est mieux que quoi? Marvel Now. Bah, d'après les critiques, ouais. Mais en ce moment, on pourrait. Est-ce que t'as lu les autres titres Rebirth? Non, j'ai pas lu les autres titres Rebirth. Tu m'as passé. C'est quoi que tu m'as passé? Je t'ai passé Batman Rebirth. Et je l'ai pas lu encore. Est-ce que Batman Rebirth c'est bien? Non. Mais. Non. Est-ce que la nouvelle série Batman c'est bien? Non. Mais les gens sur Batman me hype pas tant que ça, parce qu'il y a du Romita Junior notamment. Oh, et Romita Junior. Romita, c'est sur le truc avec Snyder. Donc ouais. Ça concerne pas le Rebirth. Ah, ça concerne pas du tout ça Rebirth concerne... Ça concerne pas du ah, tout. Ah non, Rebirth. C'est. Comment ça s'appelle déjà? Tom King et je sais pas qui. Ça s'appelle comment cette série Batman déjà? C'est All-Star Batman. All-Star Batman, ouais. Ouais, comme, et ouais. On va peut-être finir sur ça parce que ça fait quand même 30 minutes qu'on est sur ces news. Et donc, tout ça pour vous dire que Rebirth, c'est pas mal et allez lire du DC. Pour 3 euros, allez-y. Ouais, franchement, c'est cool. C'est toi qui vas commencer ta review. Ok. On commence au review. Je commence ma review. Alors... Et vous avez le droit de le troller, comme vous voulez. Alors là, je crois que j'ai énervé James, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Joker de Brian Azzarello et Lee Bermejo. Alors, est-ce que Maxime, tu peux nous dire comment tu définis le style de Libermero? Alors, avec le tableur Excel qu'on va mettre dans la description, je vais vous donner mon échelle de dessinateur. Et Libermero est à l'extrême droite au niveau. Au niveau merdique. Au niveau ultra réaliste dégueulasse. Voilà, alors, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette personne. Je suis d'accord et je pense que les gens ne sont pas d'accord avec toi non plus. Et. Tu m'as parlé. Libermero est vraiment un super bon dessinateur. Ouais, c'est bien moche, hein. Mais c'est... On l'a devant nous là. Et... Ah waouh, t'as vu, aucun talent ce gars, hein. Vraiment. Non, c'est non, pas où il est. Non, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Ouais. C'est trop beau Libermero. Ouais. Il a des airs d'Heath Ledger quand même le Joker. Ouais, il a des ouais. gros airs. Mais il faut savoir que Libermero a fait ce Joker avant que Heath Ledger soit adapté au cinéma. Et c'est une coïncidence qui se ressemble. Il a été adapté au cinéma. Non, avant qu'Heath Ledger interprète le Joker au cinéma. Vas-y, continue d'arriver. Bon, je continue ma review. Donc du coup, le speech de cette histoire, ça veut rien dire le speech de cette histoire, mais bon. Non. Le pitch. Je t'ai pas repris, t'as vu? Ouais, c'est fou. Oh, putain. Et donc, dans ce comics, on retrouve donc le Joker qui sort de l'asile d'Arkham. Pendant qu'il était à Arkham, si vous verrez la tête des deux. Il sort de l'asile d'Arkham pendant qu'il ne les regarde pas, regarde Rémi. C'est vrai qu'en fait, vous avez décidé vraiment de me troll comme pas possible pendant ma review. Donc. Regarde Rémi. Il a pris une photo tellement il a kiffé. Ah, bon. Mais arrêtez, putain, ferme le comics. Le pauvre, tu vois pas comme il galère? Tu pourras lui faire pareil si tu veux tout à l'heure. Ok, je lui ferai pareil. Donc, pendant que le Joker était à l'asile d'Arkham, les autres criminels tels Double Face, le pingouin, l'homme question. Privé de joke ça. Donc, on prit le contrôle un peu de Gotham City. Et donc, on va suivre Johnny Frost, je sais pas comment on pourrait le définir. Un second couteau. Dit Frosty dans le milieu. Exactement. qui va donc accompagner le Joker à sa sortie. Et donc, dans cette histoire, on va vraiment découvrir un peu la psychologie du Joker. Donc, il faut savoir que Brian Azzarello a très bien travaillé là-dessus. Parce que Brian Azzarello est un très bon auteur qui a exactement. Travaillé sur Dark Knight, sur Master Race avec Frank Miller. Mais il a fait aussi un peu des trucs moins bien, genre sur... il avait fait le comédien sur le Before Watchmen et c'était pas moins, génial. Wonder Woman c'était bien apparemment, mais j'ai pas lu. Et il a travaillé aussi sur Rorschach qui était encore avec Libermero justement. Il a fait Luthor aussi qui était super cool. Ouais. Avec c'est la même équipe créative et je vous en parlerai peut-être dans un. Toujours dans un avec Libermero, c'est un ouais. peu son pote Libermero. Ouais, ils sont très potes. Et donc. On a le droit vraiment à un Joker bien travaillé, un Joker qui a l'air un peu plus réaliste, un peu comme justement Heath Ledger dans The Dark Knight, même si ça a été, je sais pas, je crois que c'est sorti à peu près en même temps ce comics. Du coup, on a un Joker un peu lunatique qui parfois peut même être triste et pas un Joker qui est juste tout le temps où on a du mal à cerner, il est un peu plus spécial. Et des fois, il peut être triste, on peut même voir le rôle d'Harley Quinn qui des fois l'aide à le réconforter. Et... Des fois, il peut être triste, non? Oui, non, mais... Arrêtez si vous êtes triste. Non, mais c'est vrai que le Joker, on le voit rarement triste. Et donc là, on voit que des fois, il est pas toujours bien aussi, le Joker. Et... C'est un Joker plus humain, en fait. C'est voilà, ça que c'est tu un dire. Joker plus humain. Il y a combien de Jokers dedans? Il y en a trois. Donc du coup, on a droit... Putain, il... le montage que je vais avoir à faire, vraiment, je vous déteste. Tout. Et donc, Brian Azzarello nous dépeint vraiment un Gotham City un Gotham City bien réaliste et on est vraiment plongé dans un univers un peu plus réaliste. Froid. Non, mais justement, t'as vu, je me suis pas répété, j'ai fait attention. Excuse-moi. Tu vois, toi aussi, tu trolles. Tu t'en éperches en même temps. Donc, le Joker est génial. Johnny Frost, le second couteau, bah, c'est un personnage assez antipathique auquel on s'attache assez facilement. Et qui lui va beaucoup s'attacher c'est au Joker. Pas dynamique, on suit il est antipathique, mais on s'y attache vachement. Mais c'était vraiment un gros troller en fait. On suit le Joker ou Johnny Frost? On suit Johnny les deux Frost. En fait. Ouais. Non, surtout Johnny Frost. Oui, ça fait un moment que je l'ai pas lu. Donc je... Et donc, par contre, le rôle de Batman dans ce comics est vraiment très minime. Donc, vous attendez pas à lire un comic sur Batman. C'est plus sur les vilains. Et vous allez voir, tous les vilains sont, si vous lisez ce comics, tous les vilains sont vraiment travaillés, refaits un peu en mode plus humain. Et c'est vachement sympa. Voilà, c'est pour ça que je vous conseille Joker et puis aussi surtout les dessins de Liber Mero qui sont géniaux, vraiment géniaux ces dessins. Je vais aller à Planète Interdite m'acheter ce comics. Et... pour pouvoir les brûler. Bon, par contre, je vous préviens, si vous avez lu dernièrement les comics de Liber Mero, sur ce comics-là, il n'a pas exactement le même style. Il change. Bah, en fait, c'est que je crois que c'est à niveau numérique, parce que ses dessins sont beaucoup touchés au numérique. Là, ils sont un peu moins retouchés au numérique et on voit plus son style c'est d'ancrage vrai. Et tout ça. Mais donc, c'est lui qui encre ? Je crois que c'est lui qui encre. Je crois. Attends, t'as on va voir ça. C'est lui, c'est celui qui... Alors, non, c'est pas lui qui encre. Moi, j'ai une question vraiment sérieuse. Vas-y. Mais vraiment. Mick Gray qui encre. Mick Gray qui encre. Donc, oui. Son style d'ancrage, on le voit pas, coup, c'est pas lui qui encre. T'as dans les mains la version Panini. Exactement. Est-ce que t'as pu voir la version urbaine ? Je crois qu'il y a des bonus en plus. Est-ce que du coup, tu vois une différence ? Est-ce que genre c'est vraiment mieux chapitré ? Et est-ce que les bonus sont conséquents ? On est un peu tous d'accord. Là, je vais faire mon bâtard. Mais Urban est mieux que Panini de toute façon. Enfin, j'ai toujours. Déjà le. Non, il y a pas de chapitrage dedans. La version Panini est pas ouf quoi. Vraiment, elle est pas ouf. Mais j'ai l'avantage. Regarde, tu vas kiffer ta race. Hop, dédicace de Liber Mero. Et donc. Ouais, en plus, l'objet est plus joli chez Urban. Je vais hypothéquer ma maison pour avoir la même. si tu veux pour ton anniversaire, je t'ai une planche originale de Joker. Je crois que tu vas perdre beaucoup de thunes pour juste te troller quand même. Hein. Bon, pour lui, ça va, ça il vaut le coup. Vas-y, dis ce que tu veux dire. Et toi, t'en as pensé quoi Alors, moi j'ai vraiment aimé ce comics. J'ai aimé le côté réaliste. Et puis, c'était vraiment très réaliste. Et non, mais sans troller, c'est vraiment un comics qui est sympa. Parce qu'on suit vraiment tout. Ce qui est cool, c'est qu'en suivant le second couteau, en fait, on suit vraiment toute une journée type du Joker. Et on voit comment il interagit avec les autres. Et on comprend un peu plus sa psychologie et son... Et aussi, il faut savoir que c'est un one-shot, donc du coup, vous pouvez le dire indépendamment. Si Exactement. Vous n'avez pas lu beaucoup de Batman, vous pouvez commencer par ça, quoi. Après, c'est sûr que je comprends que le style de Bermero peut dérouter. Non, moi, je ne comprends pas, mais... C'est très photoréaliste, hein, donc... Tu conseilles aux gens qui ont vu que BVS et la trilogie Nolan, non, de non, commencer non. par ça. C'est intéressant. C'est intéressant. Je sais pas ce qu'il vient de dire. Pour n'importe quel fan du Joker, il peut commencer. Je pense que c'est ça, très intéressant si tu connais bien l'univers de Gotham. Ouais, du coup, c'est pour parce des que gens. Non, c'est des gens qui ont une connaissance quand même de Gotham, je pense. Non, mais vraiment, il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup. Est-ce qu'on te présente directement les personnages ouais, mais enfin, si tu sais pas parler oui, qui je est Mr. Freeze. Enfin, qui est Mr. Freeze, tout le monde connaît. Ouais, c'est vraiment les personnages de base. Alors, honnêtement, je ne connaissais pas du tout l'univers. Je viens de le lire à peu près en entier, enfin, de feuilleter à peu près en entier, même voir la fin, et franchement, ça avait l'air cool et enfin bien expliqué. Non, moi, je pense que t'as pas besoin. Non, mais c'est comme par exemple un Watchmen. Ouais, tu vas pas conseiller un Watchmen directement à quelqu'un qui a jamais lu de comics. faut savoir que j'ai commencé ma collection de comics avec Watchmen. Mais c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. c'est vrai que c'est pas une bonne idée, mais j'ai trop kiffé Watchmen. Mais tu kiffes, mais tu comprends pas toutes les subtilités qu'il y a dans le comics. Tu comprendras pas toutes les subtilités. Si tu connais pas l'univers de Gotham, tu vas pas les interactions avec le Joker et les autres personnages, tu vas pas les. C'est vrai, tu mais vas pas les capter de suite. Parce qu'il faut savoir que c'est pas exactement les mêmes personnages que dans les comics, vu que c'est des personnages vraiment réalistes qui sont retravaillés. Oui, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Oui. Et si on a vu la série Gotham, est-ce que ça passe ? Ah, peut-être. Alors, on va s'arrêter là, on arrête l'émission là, c'est fini. Pourquoi vous aimez pas Gotham ? Non. On n'aime pas les séries de comics, tout Gotham. C'est si, bombe. Si, mais pas Gotham en fait. Gotham, c'est bien Gotham. Ça veut dire que Flash aussi, c'est bien. Ah non. Et ben voilà, non, dis pas les Gotham, séries. Comics, j'ai regardé les premiers épisodes de Flash, j'ai pas aimé. Arrow. On n'est pas sur ça. On va pas lancer un débat sur les séries. On va passer à une autre review. On va passer de l'autre côté de la table avec. Je n'en ferai point. Si tu veux y aller, vas-y. Comme tu veux. Soyons fous. Vas-y. Je me lance. Vas-y, lance-toi. Crois en toi, tu es le meilleur. J'ai la pression. Il y a la pauvre feuille là-bas qui a l'air de s'ennuyer. Elle m'entend même pas, c'est pas grave. Vas-y. Allez, Tom. Moi, j'ai pas quelque chose qui est un peu moins connu que les Batman, les Superman, les Marvel. Ça s'appelle Lady Killer, de Joel Jones et Jamie Rich. Donc, ça a été publié aux États-Unis en septembre de l'année dernière chez Dark Horse. Et c'est arrivé en France il y a un peu plus d'un mois, au début juin, chez Glénat Comics. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'une mère au foyer de base des années 50, mais qui en plus est tueuse à gages. Donc autant dire que ça donne envie quand même. Enfin, moi, ça m'a donné envie. Le pitch donne bien envie. Le speech donne bien envie quand même. C'est assez original, mais après, dans les faits concrets, c'est pas si original que ça et j'étais un peu déçu, moi. Je sais que Thomas l'a lu aussi. Oui, on l'a lu. Si vous voulez un deuxième avis, vous pouvez aller sur la chaîne de Le Geek Chic. Voilà. On est un peu plus gentil que moi. Oui, on a été plus gentil. Enfin, j'ai été plus gentil, j'ai été vraiment gentil avec ce comics. Je pense qu'il faut juste lui donner du temps, en fait. Parce que ça, c'était là où on connaît bien les personnages. Ouais, et après, il faut attendre Vu le speech comment on l'a vendu, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus. Ouais, non, mais alors, c'est pas pour spoiler. Je vais éviter de spoiler là. Mais vu que t'as lu, tu sais ce qui se passe à la fin. Du coup, je pense que ça va vraiment commencer après ça. Je suis d'accord, mais. C'est vrai que les personnages de base. Là, c'était pour l'ambiance. Attends, on laisse faire ça à Ferrilio parce que je pense qu'il veut en parler. Vas-y. Si tu parles des personnages, moi, je les trouve tellement stéréotypé. C'est ce que je disais. Ouais, à la limite, il y a juste deux personnages. Le personnage de la grand-mère. Parle dans ton micro, mec. Et le personnage de Irving, je crois, c'est ça, le vieux qu'il rencontre à un moment, qui sont pour moi les deux personnages les plus intéressants. Et on sent qu'il y a un background derrière ces deux persos. Je trouve que ce personnage intéressant, c'est la meuf, en fait. Bah non, mais même la meuf, enfin, je veux dire. Elle a rien de spécial, c'est juste qu'elle est badass. Tout ce qu'elle fait, tu t'attends vraiment à ce qu'elle fasse ça. Il n'y a rien de spécial. Ouais, mais elle va dans la suite, je pense. Tu sens pas du tout le décalage entre sa vie de famille, calme, sage et son. Termine le speech avant qu'on débatte sur le fond de l'histoire. Après le speech, c'est ça, hein, c'est une femme qui a une double vie, sa vie de. C'est Mr. et Mrs. Smith en fait. Voilà, sa vie, mais sauf que sa famille est pas con, enfin sauf qu'elle a pas de mari aussi. Mais... Ok. Elle est toute seule. C'est sorti en juin. Il l'a dit tout à l'heure, en juin, en France. Et en sur Glénat. J'étais sur septembre. Ouais. C'est Glénat. Ouais. Et après, ouais, donc l'histoire, c'est pas du tout original. Enfin, on a vu ça mille fois. Une personne qui a une double vie, qui essaye de la cacher à sa famille. Et enfin, c'est pas vraiment un spoil, et qui est trahi par ses supérieurs et qui doit survivre seul contre tous. C'est vrai que c'était. Enfin, c'est pas du tout original. Surtout que, comme ils nous l'ont vendu, on s'attendait à quelque chose de. Moi, je m'attendais un peu d'humour noir, peut-être. Ouais, un peu de. Un mais ça se prend trop. Ouais, ça se prend trop au sérieux. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'ils allaient pas au bout de leur délire et que. Ouais, ils vont pas au bout de leur délire. Ils se sont un peu censurés, c'est moins. Tu t'attendais à un truc beaucoup plus gore, c'est ça ? Mais non, pas forcément, mais d'un point de vue esthétique, déjà, c'est le gros point fort. Les dessins. J'ai vu 2-3 dessins dans sa review, c'est là vraiment beau. Dès qu'il y a du sang, c'est noir. C'est peut-être un parti pris esthétique. Ouais, non, mais je pense que c'est un parti pris. Parce que, genre, ouais, mais ils n'assument pas à fond leur côté. Parce que même des fois, je crois que c'est fait avec une grosse adon ou quoi, il faut plusieurs éclats noirs, même sur des fois où il n'y a pas de sang, je crois que c'est plus un style. Ouais, mais il y a du sang qui est rouge, c'est le sang de l'héroïne, la Josie Schuller. Ah, j'avais même pas remarqué. À un moment, elle essaye de la bouche ou de l'arcade, je sais plus. Parce que et il est rouge le sang, voilà. C'est le moment où il est rouge, mais sinon il est noir. Du coup, ils n'assument pas à fond le côté le petit côté irrévérencieux qu'ils auraient pu avoir du comics. Le seul moment, c'est peut-être quand elle va dans le quand elle s'infiltre et qu'elle se déguise en. Ouais, mais même là, ça dure 2 secondes. Ouais. Si le seul moment, moi je trouve, c'est qu'à un moment elle a une mission. Enfin, elle doit tuer. Enfin, je vais pas spoiler. En fait, tu vas spoiler tout le bouquin. C'est pas spoil, c'est pas spoil parce que toi. Elle doit tuer quelqu'un qui est. En fait, déjà tuer quelqu'un, c'est immoral, mais là, c'est quelqu'un de particulier. Ah oui, c'est vrai que c'était et un tu bon dis moment. Ah ça y est, elle va le faire et tout, et à la fin ah bah non je le fais pas, donc voilà, ça pousse pas à fond. Moi on sent donc pas tu conseilles assez... pas ce comics en fait. Moi je le conseille pas, c'est joli mais je le conseille pas du tout, mais bon, alors que les critiques sont unanimes, hein. Tout le monde dit que c'est bien. Après tout, on vous moi, le conseille si vous aimez les, comme je l'ai dit, une lecture facile, quoi. Oui, mais oui. Ouais, mais enfin, les années 50. L'histoire, enfin, vous avez vu ça mille fois dans des séries, dans des films, dans d'autres lectures. Enfin, ouais, c'est... Si vous voulez quelque chose de nouveau, d'original, faut pas. Ouais, c'est pas forcément quelque chose de nouveau, mais si vous avez pas envie de vous casser la tête, c'est. Moi, je pense que franchement, il faut attendre un peu, il va y avoir un truc avec la grand-mère, forcément. Genre, mais ça, c'est sûr. C'est à partir de ce moment où la grand-mère, elle va commencer à faire des trucs que ça va devenir intéressant. Ouais, mais enfin, ce qui me fait chier, c'est que le. Enfin, pardon. Je suis vulgaire, excusez-moi. C'est que c'est pas le personnage principal, la grand-mère. Ouais. Non, mais on le sait pas encore. On sait pas. Mais on sait pas. Genre, peut-être qu'après, elle va vachement être développée dans les trucs à venir. Et s'il développe le personnage de la grand-mère, je pense que ça peut devenir. Ouais, mais je suis d'accord parce qu'on sent qu'il y a un background derrière la grand-mère et le vieux, là, Irving. Mais derrière tous les autres personnages, il y a aucun background. Mais peut-être que c'est après ça qui peut apporter aussi de la profondeur au personnage. C'est peut-être que c'est les interactions avec. Ouais, mais c'est sûr qu'au début. Bon, je vais vous couper avant que vous racontiez tout le comics. Bon, vous l'aurez compris, Ruby et Thomas sont hypés par le truc et non, envie. Pas hypés non plus. Mais hypés. Mais moi, je suis indulgente, je lui laisse du temps. Déjà. Non, mais en fait, j'aime tellement les dessins et tellement. Mais même rien que tu veux parler peut-être. Attends, 2 minutes. La couverture. Tu la vois avec un saut en train d'essuyer du sang, c'est pas du spoil, c'est la couverture. Ok, vas-y. Tu dis, ah, il y a un côté décalé, voilà, alors que non, pas du tout. Enfin, l'image, non, c'est vrai. qui est pas du tout dans le comics. Ok. Mmh. Maxime. Du coup, si c'est sorti, en septembre, du coup, là, on doit être au niveau 10 à peu près aux États-Unis. Et vous savez pas comment ça a continué. Est-ce que c'est une mini-série justement? Il a pas aimé, donc il va pas aller s'intéresser au truc. Ouais, mais du coup, la team, on kiffe. Chez Dark Horse, c'est sorti, ils en sont quel numéro? Je vais le dire, je me cache pas, je lis sur internet, sur des sites. Ouais. Et il y a que les 5 premiers, alors qu'eux ils font de la VO et tout, du coup ils sont pas sortis encore. C'est peut-être arrêté, du coup, la série est peut-être. Voilà. Vous savez pas si Glenna va sortir un tome 2 dans pas longtemps? Il y a marqué tome 1 déjà sur le truc, ouais. C'est déjà pas. Mais non, parce que vu les critiques qu'il y a eu, parce que moi c'est mon avis, mais toutes les critiques disent que c'est bien. Après, s'ils s'arrêtent là, c'est vraiment débile. Mais s'ils arrivent à pousser le truc, il y a moyen de faire. Non, parce que c'est pas en chapitre, je crois, en plus. C'est vraiment un tome entier. C'est en TPB. Du coup, en septembre, il y aura peut-être le prochain tous les ans, je sais pas. Enfin, ça paraît beaucoup tous les ans, mais. Enfin, pas assez. Ok. Ouais. Bon, bah, merci pour cette review. Voilà, donc une lecture. RT si c'est pas bien. Une lecture moyenne, voilà. Bon, comme on était dans les trucs un peu hors DC et comics, on va peut-être passer à ma review, parce que je ne parle pas d'un truc DC ou... Et Maxime va prendre le truc, puisqu'il l'a lu aussi. J'ai eu la chance d'avoir déjà cette review dans un autre podcast qui n'est jamais sorti. Qui ne sortira jamais, dans un pilote. C'est horrible. Je te l'ai montré à Thomas, je crois. Oui, ouais. Alors, vous en avez marre de DC et de Marvel, toujours les mêmes super-héros contre les mêmes super-vilains qui vivent les mêmes aventures. Moi, je vous propose un petit vent de fraîcheur avec deux titres du tout nouvel éditeur Bliss Comics qui publie pour nous l'univers Valiant. Valiant, c'est un petit éditeur de comics moins connu du grand public qui fut fondé en 1990, entre autres par Jim Shooter, un des créateurs des Gardiens de la Galaxie et un ancien rédacteur de chez Marvel. Alors au début, ils sortaient des titres d'anciens héros d'un autre éditeur, Golki Comics, dont ils avaient racheté les droits, et d'adaptations de licences, dont celles notamment de Nintendo. Puis ils ont commencé à sortir leurs propres créations originales comme Shadowman et Heartbringer. Les ventes leur permirent même à un moment de détrôner Dark Horse à la place de troisième éditeur du marché. La maison connut malheureusement plusieurs déboires, elle fut rachetée, ferma ses portes et enfin se releva de ses cendres en 2012. C'est triste. Voilà, en France, c'est Panini qui publie sporadiquement des titres Valiant, mais qui a abandonné la licence en 2015 pour nos amis de chez Bliss Comics. On se demande pourquoi ils ont abandonné la licence. Parce qu'ils... Bon. Alors, je vais donc vous parler de deux titres sortis chez eux, The Valiant et Bloodshot Reborn. Commençons avec The Valiant parce que c'est vraiment la porte d'entrée de l'univers Valiant. C'est un récit de Jeff Lemire que vous connaissez peut-être pour son travail sur Justice League, Animal Man, excusez-moi, ou encore Descender. Maxime, est-ce que tu as lu Descenders? Pas du tout. Ce sera le running gag de ce podcast. Alors, avec au dessin Paolo Rivera, et c'est ancré par son papa, Joe Rivera. Alors, Si t'es content. On est lancé en plein dans le titre, dans un combat entre deux antagonistes, le guerrier immortel, qui est un guerrier immortel, Et l'ennemi increvable. Ta gueule. qui essaie depuis 10 000 ans de protéger la lignée des géomanciens, des sorciers qui ont un lien mystique avec la Terre, mais il perd toujours face, ce qui vous a spoilé tout à l'heure, l'ennemi immortel. C'est des hippies en fait. C'est une espèce de force qui possède des corps. Alors le titre nous montre le combat du guerrier qui va s'allier à plein de personnages de l'univers de Valiant pour protéger la dernière géomancienne. Alors, comme je le disais, c'est vraiment une bonne porte d'entrée pour l'univers Valiant, car grâce à cette petite event, on a le droit à un bref coup d'œil sur tous les personnages et on comprend très bien qui est qui et qui fait quoi. Le récit se dévore d'une traite, je l'ai lu dans le train en revenant de la PCE, et j'ai pas levé les yeux du bouquin une seule fois. Le dessin c'est de pas vrai. Si, c'est vrai. Non, parce qu'il y avait des gamins qui gueulaient et du coup t'arrêtais pas de les regarder. Non, ça c'était à la fin, ça. Pourquoi tu racontes ta vie ? Alors, le dessin de Rivera est pas oufissime, mais ça fait très bien le taf. À un moment, il m'a gêné. Il y a même 2-3 pages où je me dis, putain, ça, c'est pas mal. Ah oui, la page où elle a la chef qui tire des lasers avec ses yeux. Ouais, ça, c'était vraiment beau. Merci, tu trouves ça beau. En plus, comme on a vif aperçu de l'univers, ça rend vraiment curieux sur tout le reste. Des personnages comme Ninjak ou Ixo Manowar, qu'on ne voit pas tant que ça dans le récit, m'ont vraiment marqué et j'avais vraiment envie... Arrêtez, si tu sais pas qui c'est. Mec, je vais tellement te pourrir ta réunion. Mais tu me forces. Alors, oh là, ça part en couille. Alors, le perso le plus intrigant, selon moi, c'est Bloodshot. Et ça tombe bien parce que c'est le deuxième titre dont je voulais vous parler. J'ai bientôt fini. Coïncidence. Je ne crois pas. Alors, Bloodshot. Bloodshot. Alors Bloodshot, c'est un peu un mix entre Wolverine et le Punisher. C'est un soldat à qui on a implanté des nanites, donc des robots microscopiques, qui donnent un vrai pouvoir d'autre. Je sais pas ce que c'est. Je jouais. Surtout RT si ça t'a donné envie. Hein. Je vais couper vos micros. De toute façon, en plus, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il n'y en a plus en librairie, tu peux plus l'acheter. Si. Non. Ils les ont réédités, ça va ressortir bientôt. Oui, fin septembre. Alors, c'est le podcast de juillet. Alors, qu'il donne un vrai pouvoir d'auto-guérison en plus de d'autres petits avantages. Malheureusement, l'organisation Rising Spirit qui lui a donné ses pouvoirs lui a aussi lavé le cerveau et donc il n'a aucun souvenir de son identité. Dans The Valiant, il a fui cette organisation qu'il utilisait comme un vulgaire assassin kamikaze pour aider les héros à protéger la géome ancienne et ainsi peut-être retrouver sa mémoire. Le top 1 de Bloodshot Reborn fait suite à ces événements de The Valiant. On retrouve notre héros qui est encore plus perdu et ce qu'il a fait pendant qu'il était aux mains de Rising Spirit le hante et il en proie des hallucinations. Notamment une version cartoonie de lui-même qui le pousse à la violence à tout prix. Et pendant qu'il essaie de revenir à la vie normale, des meurtres qui font étrangement écho à son passé vont survenir. Alors, il va devoir éliminer une série de meurtriers tout en essayant de ne pas sombrer dans la folie. Encore une fois au scénario, on retrouve Jeff Lemire qui nous entraîne dans un univers plus mature mais aussi plus sombre. Il joue beaucoup avec la psychologie de son personnage et les dialogues, notamment ceux avec les hallucinations qui sont très très drôles. Par contre, le dessin de Miko Suyan... Ça a l'air très drôle. Je l'ai vu le lire, il était mort de rire tout le long. Alors il ne m'a pas vu de le lire parce qu'il était le siège. Je l'ai lu aussi pendant le retour de la PCE dans le train. Et il était le siège derrière moi, donc je ne vois pas comment il a pu me voir le lire. Donc maintenant il m'a coupé, je ne sais plus où j'étais. Oui, alors le dessin. Ligne 35. T'avais fini. Non, je l'ai pas. Mais vous êtes vraiment des enculés. C'est à la fusion, hein. Là, je crois. Alors le dessin de Miko Suyan pourrait rebuter car pour certains c'est il pourrait rappeler le style réaliste de Libermero. Ultra réaliste, dégueulasse. Merci. Voilà. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé, même si je peux comprendre que ça peut rebuter. Des deux titres, c'est celui que j'ai le plus apprécié car il avait un côté plus sombre et plus violent. Donc si vous aimez les titres un peu à la Sin City ou des univers à la Fight Club, je vous conseille vraiment Bloodshot Reborn, tome 1. Voilà. Et ça coûtait que 10€ avant et maintenant, vu qu'ils vont rééditer en réimpression, ça ne coûtera plus 10€. Donc ça vous coûtera êtes 15€. on mettra un petit jingle avant pour dire vous pouvez passer les 5 prochaines minutes. C'est vraiment des enculés, quoi. Voilà. Ce qu'il ne dit pas, c'est que Valiant, c'est du sous-Justice League. Mais non, mais tellement pas. Valiant, c'est cool. Hein. J'ai rien lu de Valiant. Est-ce que c'est... Tu as bien fait. Non, franchement, c'est cool. Ça change. Je me sens pas prêt à lire un nouvel univers encore, en fait. C'est plus mature. Tu as raison. C'est plus mature que DC et Marvel. Ça apporte d'autres thèmes. Et il y a vraiment des personnages déjà intéressants. Avec l'univers d'image, tout ça, ça fait beaucoup à suivre. Mais l'univers d'image, il n'y a pas un seul univers dans l'image. Oui, je sais. Mais je veux dire, en gros, celui avec Invincible, tout ça... Oui, c'est le truc de Millar. Non, c'est pas Millar, c'est Kirkman. Ouais, c'est Kirkman. Ouais. Mais enfin, là, ce qui est bien dans Valiant, c'est que c'était vraiment un univers un peu à la Marvel, mais plus mature, plus intéressant. Enfin, pas forcément plus intéressant. Parce que du coup, t'as des héros que tu connais pas et que tu t'attaches pas. Parce que du coup, j'ai grandi avec Batman et Spider-Man. Donc tu vas lire que du Batman et du Superman. Non, mais du coup, tu vas pas lire de l'indépendant et tu vas pas lire des Si, des mais images. Du coup, c'est n'importe quoi. Je rentre dans le comics et tu vois, direct. Spider-Gwen, tu l'as vu que depuis que t'étais gamin et que tu. Mais non, mais laisse-moi finir. Non, bah non. Tu commences. C'est pas des figures iconiques. Voilà, c'est pas des figures, mais tu t'en. Enfin, c'est pas des figures. Donc du coup, déjà, t'es là en mode bon. Alors, le ninja avec des sabres laser, c'est qui? Alors, du coup, en plus, ils ont eu. Ça, t'es hypé par le truc de Miss Marvel. Miss Marvel, tu la connais pas depuis des années. C'est le personnage qui est intéressant, c'est pas forcément. Oui, mais parce que du coup, tu vois, parce que tu connais le personnage, ça va être mais intéressant. Non, mais parce que je sais que tu vas que peut-être au détour d'une aventure, il va y avoir un petit Wolverine qui va arriver. Tu lis Miss Marvel juste pour voir les apparitions des personnages dans. Non, pas du tout. Mais ça lui donne une légitimité. Tu vois, je me dis bon, elle est là. Peut-être un jour, elle va se friter avec avec Wanda. Et du coup, ça va faire le Civil War 4. Mais c'est pas ça qui est intéressant quand tu lis du Miss Marvel. Tu veux voir sa vie au quotidien. Mais du coup, tu vois, je me dis, les gens qui connaissent... Enfin, tu vois, les gens qui connaissent pas Ninja ou The Goat, ils vont pas y aller vers eux, tu vois. Est-ce que les personnages sont bien introduits, du coup, est-ce qu'on peut justement, dans The Valiant, c'est ça qui est bien, c'est que t'arrives ils en arrivent plein. Un peu en poste. Si tu veux, à un moment, il y a une double page, ils arrivent tous, et c'est la guerre. Mais c'est parce que c'est pas eux qui sont... Y a pas de background sur les personnages, pas trop. Mais en fait, dans The Valiant, tu es surtout mis en avant par le guerrier immortel, dont le mec dont j'ai parlé. Mm-hmm. T'as Ninja qui un peu... Enfin, t'as pas tous les personnages. Mais en fait, tu vas avoir des moments... Comme c'est vraiment tous les... C'est un espèce de petit event. Donc t'as tous les personnages de l'univers de Valiant qui vont se mettre ensemble pour taper sur quelqu'un. Tu vas avoir un petit aperçu d'un peu tous les personnages. Mais Mais t'as des séries qui sont consacrées que au niveau... Oui, après t'as des séries qui sont... D'accord. Donc là, c'est la porte d'entrée, en fait. Okay, c'est pour d'accord. te dire... Tu vas lire ça, tu vas dire, ah oh, putain, mais il y a lui, il y a lui. Et là, tu vas dire, ah merde, lui, il est intéressant, lui, il est cool. Ils ont chacun leur propre série. Après, t'as les séries de genre Bloodshot Reborn. Tu vois Bloodshot dans... C'est un personnage important de The Valiant. Tu lis et Bloodshot, c'est exactement là, ce qui se passe juste après The Valiant. Et t'as des choses qui se passent juste avant The Valiant ou pas? Non. Ah, du coup, t'arrives comme ça sans savoir. Ok. Mais franchement, c'est bien, ouais. C'est bien amené parce que t'as un petit avant-goût d'un peu tout et tu t'étais pas paumé dans l'univers en te balançant. C'est pas comme si d'un coup tu lisais le Spider-Man 616 et d'un coup tu fais ah merde, t'es pas perdu. Ils arrivent à bien t'expliquer, à bien te dire, ouais, là, lui c'est lui, il fait ça, nanana. En fait, je suis en train de répéter tout ce que j'ai dit dans ma review, si vous ne m'aviez pas coupé comme des enculés. Ouais, mais le fait de la dire comme ça, c'est plus attractif c'est plus que quand attractif tu lis. Parce que quand tu le lis, du coup, ça fait un peu trop, justement, en lecture. Scolaire. Ouais. Après, du coup, Bliss Comics, ça fait un travail de fou parce qu'il y a tous les personnages qui sont expliqués dedans. Donc, en fait, en plus, c'est ça qui m'a rebuté. Tu vois, t'arrives, tu tournes ta page, t'as un mec, un ninja avec une épée, t'es là en mode, bon, allez, tu reviens au début, tu regardes. Alors lui, c'est le ninja machin. Il a des pouvoirs. Non. Ça, c'est pas... tu peux lire le truc sans avoir lu tout le. Tu peux lire le truc. Mais si comme moi t'es un fou de ça et que t'as envie de savoir lui, c'est quoi. Et du coup, il va. Mais c'est expliqué dans le récit. Mais... Non, c'est pas expliqué dans le récit. La chèvre, tu m'excuseras. Mais la chèvre, elle est dans non, un plan. Tu la vois dans un plan. Bah oui, c'est comme tout. 90% des personnages que tu parles. En fait, The Valiant. Mais non, parce que regarde Ninja, tu vois. Ninja, il a 8 pages. Et bah oui, bah justement, et après tu 8 pages lire. Sur un livre de 200. Oui, mais c'est pour donner envie d'en apprendre plus sur l'univers. Je suis d'accord avec toi, mais du coup, si tu veux, ils sont pas tous introduits. Honnêtement, t'en as 4 qui sont introduits. T'as le géomancien, le guerrier éternel, la géomancienne, Bloodshot et l'ennemi immortel. Non, parce que t'as Ninja aussi, t'as Ninja qui t'as le... 8 pages. Est-ce qu'on peut comparer par exemple avec le Justice League de New 52, par exemple, grosso modo, ouais, c'est ça. En fait, il y a une crise. Est-ce que c'est aussi bien fait que ça, par exemple? Parce que, par exemple, pour quelqu'un qui a jamais. Ouais, t'as pas Jim Lee au dessin, quoi. Mais déjà, au Jim Lee, t'as pas Jim Lee. Justice League, tout le monde connaît les personnages. Ouais. Même si tu t'as jamais lu, ouais, tu sais par qui exemple, est Batman. Par exemple, c'est pas ça le problème. Par exemple, Cyborg, moi, je savais pas très bien qui c'était à part dans les Teen Titans. Et je trouve que dans Justice League, il est vraiment bien introduit. Et je trouve que tous les personnages dans Justice League de. Mais c'est la même chose, c'est pareil. Franchement, c'est pareil. Est-ce que c'est aussi bien fait, quoi? C'est aussi bien fait. Moi, ça m'a hypé sur le truc. Mais après. Est-ce que tu connaissais les personnages de Valiant? Non, je ne connaissais pas pour l'anecdote. Et pour l'anecdote, il n'avait pas envie de le lire des bases. Déjà, j'avais pas envie de le lire. Donc, on était dans le train, 3h TGV, et je suis derrière lui. Il me dit: bon, ben vas-y, tiens, file-moi ton Avengers, et moi je te passe Valiant. Donc, je lui passe mon Avengers, et je commence à lire son Valiant. Mais son truc, c'était nul à chier. Bon, c'était pas. Rage of Ultron, c'était nul. C'était pas ouf, c'est vrai. Mais du coup. Très moche en plus. C'était pas mal. Et du coup, donc tu vois, je commence à lire, et puis j'ai un tic, c'est que quand ça me plaît pas, je fais comme ça. Et il se retourne, il me fait: t'es un PD. Mais parce que le mec avait décidé, parce que j'en avais parlé avant, je lui disais avant d'aller à la PSO, je disais: je sais que je vais aller voir ce stand et que je vais leur prendre leurs deux premiers trucs parce que j'ai envie de. Oui, parce que en fait, c'est pour la petite histoire, ce mec a tout quitté. Pour se lancer dans l'édition. Et je trouvais que c'était, comme c'est un petit jeune, il fallait pour soutenir, les petits éditeurs, et je trouvais ça sympa. Et direct, lui m'a dit: oh, mais on s'en bat les couilles, nanana. Ce que fait Maxime les trois quarts du temps. On me dit qu'il faudrait couper cette. Ça lui ressemble pas du tout. Vous ne connaissez pas encore assez, c'est pour ça. Il m'avait fait un tableur Excel pour m'expliquer à quel point il n'était pas hypé par The Valiant. On va couper sur cette review, on va passer la review de quelqu'un d'autre, peut-être de Maxime, comme par hasard. Ouais. Non, mais oui. Ça me dérange pas. Hein. Non, mais on va passer la review, comme ça je vais pouvoir réfléchir à toutes les vannes que je vais lui balancer dans la tronche pendant qu'il fera sa review. Bon, ça va être cool, il n'y a pas grand monde qui va me troller, ça va être pas mal. Attends, t'inquiète pas. Jim Chung, c'est du Suku Appel. Je suis là pour toi. Hein. Ouais, ta gueule. Elle a même pas entendu. Je vais le redire alors. Jim Chung, c'est du Suku Appel. Non, mais oui. Je suis vénère là, ok. C'est bien, c'est pas Olivier Coipel, mais ça ressemble. Mais ça ressemble beaucoup. Mais ça reste bien. Ça ressemble, c'est un peu du sou de Steven Nguyen aussi. Mais. Non. Si tu lis Batman Eternal, ça ressemble vachement. Les dessinateurs sont uniques, il faut pas les comparer. Ouais, non mais. Olivier. Non, quand même pas. Mais il y en a franchement. Au revoir. Au revoir. Le mission est fini. Discovery, c'était ça. Bon, on va enchaîner, vas-y. Les dessinateurs sont différents. Ouais. Ils sont tous uniques. Vas-y, fais ta review. Bon, alors, du coup, moi, je vais présenter un Avengers de Marvel, qui est La Croisade des Enfants, qui a été scénarisé par Alan Eisberg et dessiné par Jim Chung. Voilà, le pas de commentaires sur Jim Chung, ok. Bon. Donc, après, en même temps, j'adore Jim Chung, hein, c'est juste pour faire chier. Oui, ouais, mais il dessine trop bien, mais ce type. Mais oui, il est parfait, il est génial. Genre, je vois pas qu'il est parfait, mais c'est joli. C'est beau, c'est... Ah. C'est de toute beauté. Bref, voilà, c'est... Putain, voilà. La référence des années 60, quoi. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Alors... Allez, vas-y, quoi. Allez, du coup. Petite mise en contexte, c'est la suite de House of M, donc Wanda... Ah, c'est pas vraiment la suite. Ah, c'est pas ça s'est placé après House of M, en tout un cas. Peu, oui. Mais c'est pas la parce suite que disons que au début de la Croisade des Enfants, il y a quand même Wanda qui avait pété un plomb et qui a enlevé tous les pouvoirs aux mutants. Donc c'est un peu la suite. C'est la suite de Young Avengers. C'est vrai. On se l'a fini. C'était chiant. Oui. On a été un peu chiant avec. Mais vous. Mais bon, vous en avez plein la gueule, c'est normal que je me prenne. Elle a rien dit pour toi. Hein. Mais c'est vrai, j'étais sage. Ah, mais moi. Comme on est déjà passé nous. voilà. J'aurais dû passer en premier en fait. On a perdre. Bon, du coup, voilà. Donc si vous connaissez pas. Vas-y. Okay. Si vous connaissez pas trop les Young Avengers, en gros, c'est un groupe d'adolescents fans des Avengers, en gros. Ouais. C'était pendant que les... Qui sont tous dotés de super-pouvoirs, sauf ouais. Kate, qui n'a pas de super-pouvoirs, mais c'est pas grave, elle est cool quand même. Ouais, bref, et ils ont fait un groupe qui s'appelle les Young Avengers et qui a fini par être reconnu par les Avengers, donc ils bossent un peu avec eux, en gros. Mais ils ont créé les Young Avengers pendant que les Avengers avaient disparu, je crois. Oui, oui, pour prendre la relève. Suite à Onslaught. C'est les Young Avengers qui ont causé Civil War aussi, je crois. C'est eux. Non, c'est les New Warriors. C'est les New Warriors. Ouais, New Warriors. On fait sauter l'école là. Vas-y. Du coup, ils sont bien cool. J'aime beaucoup les Young Avengers. Bref. Du coup, ouais, on va cool. Les suivre à la recherche de Wanda, qui a disparu et qui n'a plus de. Après un événement, disons, elle n'a plus aucun souvenir, elle n'a plus aucun pouvoir et elle est perdue vraiment très très loin. Bref. Donc les Young Avengers vont s'allier, se réunir pour essayer de la chercher parce qu'il y a quand même les fils de Wanda qui vont finir par reconnaître que c'est les. Que, oui, en fait, donc Wiccan et. Wiccan et Hulkling. Non, merde. Non, Hulkling c'est le. Wiccan et Tommy. Je sais plus comment il s'appelle l'autre. Et du coup, bref, ils vont, suite à certains événements, ils vont finir par comprendre que c'est les enfants de Wanda et donc ils vont vouloir partir à la recherche. Donc Wiccan, surtout, va se sentir très très lié à sa mère parce qu'en fait, c'est un peu lui qui a récupéré les gros super pouvoirs de sa mère. Oui, il est un peu l'autre, ouais. C'est plutôt c'est la vitesse. Donc, C'est de son frère. C'est plus proche de Quicksilver. Donc. Voilà, c'est un peu plus de Quicksilver. Il est encore vivant? Quicksilver là. Je t'ai spoilé Avengers et j'ai occulté. Personne n'a vu donc ça va. Mais quoi qui a, enfin, personne n'a vu quoi Vas-y, continue ta review. Continue ta review. C'est qui? C'est quoi? Donc, Wiccan va essayer de chercher la sorcière rouge et en gros, ils vont pas être très très d'accord avec les Avengers parce que les Avengers veulent détruire la sorcière rouge et les New Avengers veulent la protéger parce que en fait, elle a plus de pouvoir, elle est plus nocive ni rien. Donc, surtout qu'il y a ses enfants avec. Surtout qu'il y a ses enfants. Surtout qu'elle est avec Fatalis quoi. Elle est avec Fatalis. Et donc, ils vont s'allier avec un personnage un peu inattendu. Hein. Ils vont s'allier avec Magneto, en c'est gros. Le papa de... Qui est le papa pour, en fait, c'est Magneto qui va ouvrir les yeux à ses gosses pour leur dire « Vous êtes ses enfants, bref. » Plus maintenant. Hein ? Plus maintenant. Magneto, c'est plus le parent de Wanda et de... Ah oui, c'est vrai. C'est pas déjà, ça. Ah. C'est Uncanny Avengers juste avant Secret Wars. C'est le bordel. Mais franchement, Marvel, ils veulent essayer de faire les choses un peu plus carrées et tout, mais c'est le bordel. Non, mais c'est surtout pour coller au film maintenant qu'ils font ouais, ça. Ouais, aussi. Ah, mais oui. Faut être en accord oui, avec c'est le film. De tout ça, bah, I've got money. Oui, parce que Shin-Drop Crusade, ça date un peu quand même, non? C'est 2009 ouais, ou un truc comme ça. C'était avant Civil War. Ouais, ça date. Alors, c'est après Civil War. Hein. C'est après Civil War. Ouais, alors, après, l'année, je suis pas sûre, mais ça date. Parce que ça date un peu, ouais. C'est un de mes premiers comics. 2010, ouais. Et... J'étais pas loin. 2010. 2010. J'étais pas encore né. tout le monde, tu sais bien, tu peux lire les comics, ça va. Du coup, voilà pour le pitch en général. Après, je peux pas trop en parler parce qu'il y a énormément de spoilers. Ils vont rencontrer des personnages aussi au cours, des personnages qui vont commencer à disparaître un peu, sans vouloir trop spoiler. Bref, voilà. On a le droit au premier mariage gay. Mais en fait, c'est pas le premier mariage gay, c'est le premier couple gay. Enfin, c'est qui voilà. Non, mais c'était dans Young Avengers, c'était pas dans. Mais non, c'est pas. Ils ont révélé dans Young Avengers. C'est qui? C'est Wiccan et Hulk King. Hulk King et Wiccan. Elle est pas aussi gay, She-Hulk? Non, je crois pas. Attends, la page, ils sont si beaux. Bref, mais... voilà, en gros, ce qui est bien dans ce comic, c'est que c'est des gens plus... Ah ouais, mais... non, mais sérieux, en fait, ils ont une relation très chelou, enfin, genre, c'est pas le gros stéréotype des personnages gays, parce qu'on peut mettre des gays dans la série. Enfin, le moment, la petite scène de mais fin... Non, mais voilà, ils s'embrassent, excuse, ils ont le droit de s'embrasser aussi. Mais bref, en gros, ce qui est bien, c'est que dans les personnages, c'est des personnages assez jeunes, ben oui, c'est le but, et mais on c'est pourrait... C'est des vrais personnages d'ados qu'on pourrait vraiment. Mais alors, en fait, justement, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas. Enfin, c'est pas stéréotypé. Oui, c'est pas stéréotypé, les ados c'est de base. C'est ados, ça est-ce cool. qu'ils sont inspirés du Breakfast Club? Sûrement, parce que le Breakfast Club est un. Elle pourrait te le dire. Le Breakfast Club est le meilleur film sur les adolescents oui, du monde. C'est trop bien. Non, alors, c'est pas l'esprit de Breakfast Club. Trop, oui, c'est pas dans le même délire. Non, pas du tout dans le même délire. Mais non, c'est pas stéréotypé comme ça du tout. En gros, ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils ont tous une histoire un peu difficile et tout. Ils sont tous assez matures en fait. Ils sont pas genre le. Stéréotype du gamin, en gros, c'est ça qui est cool. Et ils vivent tous leurs petites histoires et ils doivent faire face aussi à savoir s'ils doivent continuer à avancer, tout ça. Et franchement, c'est une très bonne lecture, je le conseille. Même, ça peut se faire tout seul, il faut juste savoir un peu ce qui s'est passé avant. Il faut connaître les Young Avengers quand même. Il faut connaître les Young Avengers. Non, franchement, bah, honnêtement, lu sans connaître les Young Avengers. J'ai lu ça avant de lire les Young Avengers. Hein. Ah ouais? Et ouais. Mais t'as un résumé, ouais. C'est facile à la compréhension pour des nouveaux lecteurs. Ah non. Non mais en fait le problème, enfin il résume tout. Ouais mais c'est résumé dans l'histoire. Ouais dans le voilà. Et ce qui est bien aussi c'est que c'est vraiment drôle aussi à des moments, genre c'est pas lourd. Enfin il y a de bonnes bastons, il y a des bonnes histoires lourdes mais genre c'est pas. Ça se lit hyper facilement. C'est pas du mélodrame. Ouais, c'est bien écrit, c'est quand même bien écrit. Lions, tout ça. C'est vachement cool, ça se lit vachement bien, vachement. Ouais, ça se lit. C'est vachement beau surtout. C'est vachement beau. Alors l'ambiance est super belle, genre. Il y a pas un changement de dessinateur à un moment. C'est magnifique quoi. Non, c'est Jim Chung du bout en bout, je crois. Bah le truc c'est que ouais, c'est Alan Davis après. Ah ouais. Ouais, c'est pas très beau. Et. Bah, ça casse le rythme d'un coup, tu parles de Jim Chung à de la merde et du coup ça fait bizarre. C'est Jim Chung le meilleur quand même. Enfin bref, la partie la plus importante c'est Jim Chung. Mal. Ah mais écoute, faut de l'ambiance dans ton émission. D'accord. Ah, tous les dessinateurs sont uniques, ok. Bon. Enfin bref, voilà, je vous conseille vachement La Croisade des Enfants, même si vous n'avez pas trop lu les Young Avengers. Juste, il faut savoir un peu ce qui se passe avant, donc House of M. En fait, il n'y a que moi qui ai lu un livre de merde. Hein. Mais non. Non mais elle a raison, Children's Goodside, c'est vraiment cool. Ah non mais c'est vraiment génial, c'est vraiment ça qui... En fait, c'est le comics qui m'a fait rentrer dans les comics. Genre, je lisais vraiment pas grand chose avant. Mais du coup, c'est la réédition qui est sortie il y a pas longtemps ou c'est une vieille édition que t'as chopée à pas cher Non, ça, c'est une réédition. C'était une réédition, c'était pas une vieille édition. Hein. Je l'ai chopée. D'accord, donc c'est la nouvelle édition qui est sortie il y a moi, peut-être un an. Mais... Parce que je sais qu'il y a un an, James m'en parlait, il me disait achète ça. Mais je l'avais pas fait. Bah, en fait, moi j'ai commencé à lire. C'est vachement cool. J'ai aussi commencé à lire sur internet. Mais Moi j'ai lu quand ça apparaissait en kiosque à l'époque quand j'achetais encore du Marvel. Oui, c'était en kiosque, je le lisais en kiosque aussi, les Young Avengers. Et c'est, oui. En fait, c'est parce qu'au début, j'ai commencé par des kiosques et il y avait ça dedans. Du coup, je me suis dit, waouh, c'est trop cool. Bien. Ouais, non, mais les Young Avengers. Même le run où il y a le petit Loki dedans, il est pas mal. Young Avengers, c'est une bonne lecture. Et donc, franchement, il y a que des personnages de malades. Genre, enfin, l'équipe, elle est vraiment, vraiment, vraiment géniale. Genre, il y a Cassie, donc la fille de Ant-Man, qui est trop cool. Il y a le deuxième Hawkeye, qui est Bishop, dont j'ai déjà vraiment fait l'éloge sur le podcast sur Hawkeye. C'est pas un podcast sur la vidéo de Hawkeye qu'on avait fait. Je veux dire, Kate Bishop, c'est. Bah, tu l'as fait avec. C'est mon animal totem. Ouais, c'était Hawkeye, Lady Killer. Donc, est-ce que tu avais fini sur... Non, je faisais l'éloge de Kate Bishop parce que c'est la meilleure. Et du coup, voilà, en gros, il n'y a que des personnages de malades dans l'équipe. Enfin, les personnages des Young Avengers sont vraiment géniaux et c'est adorable. Voilà. Du coup, je le conseille vraiment. Moi aussi, je le conseille. Je pense qu'il faut peut-être avoir quand même lu un peu de Young Avengers et lu House of M surtout. Alors, lu House of M, oui, parce que ça, c'est les événements d'House of M. Enfin, c'est vraiment comment il s'est bouclé, en fait, House of M. Ouais. Comment on va retrouver Scarlet Witch, comment on va réussir à lui faire retrouver la mémoire. Et peut-être savoir... Et les mutants aussi. Mais pour avoir lu House of M, il faut avoir... Et peut-être savoir aussi un peu le relâche. Pour avoir lu House of M, il faut lire New Avengers. Pour avoir lu New Avengers, il faut lire... Pour être honnête, j'ai pas vraiment lu House of M non plus. Mais en gros, c'est vrai... C'est pas Fais ferme ta gueule. Mais non, mais en gros, il faut juste savoir ce qui se passe. Il faut juste savoir ce qui se passe pour comprendre pourquoi ils vont rechercher Scarlet Witch. C'est tellement meilleur event. Pour ceux qui n'ont pas entendu, j'ai dit que House of M c'était pas ouf. C'est le meilleur event de chez Marvel. Moi, pour rejoindre, je te jure, en vrai, j'ai lu House of M, c'était cool, mais quand l'éloge que tout le monde en fait, je m'attendais mais à oui, un non, mais tellement parce que énorme. T'as commencé par des trucs comme ça, non? Faut pas commencer par. Oui, mais du coup, le problème il est là pour moi, c'est que un event. C'est là où tout le monde doit pouvoir rentrer. Ouais, c'est non, vrai. Pas Manon, pas forcément. Si. Secret Wars. Non, mais Civil War. Tu commences par Civil War, tu comprends rien. Il y a plein de personnages partout. Tu connais pas. Oui, mais du coup, tu dois pouvoir rentrer. T'arrives, ok, il y a 25 persos, il y en a 4 qui parlent. Ok, il y a un statu quo à la fin. C'est après, après un event que tu peux. Après un event que tu peux rentrer. Après un event, toi, que tu peux rentrer. La porte d'entrée, c'est. Moi, la porte d'entrée, c'est après l'event. Ouais, mais t'imagines ceux qui vont. Les relaunchs, ils sont pendant l'event. On va faire. Pendant Secret War, on va relauncher tout le truc. Mais ils ont fait ça, hein. Mais non, c'est après. Bah pour Secret War, non, pas exactement, parce que oui. J'avais du retard. Ezad Rebic avait du retard au dessin, du coup, ils ont lancé les séries. Et oui, ils ont lancé. Ça a spoilé le statu quo des personnages. C'était Hickman, donc comme Hickman, c'est de la merde. Enfin bon. Débat sur les crossovers. Children Crusade, c'est vraiment cool, lisez-le. Yep. Et on va passer. La croisade des enfants en français. Ouais. Mais c'est moins joli. Dans le format Marvel Select qui est pas un super format, je crois. Ouais, l'image est pas. C'est un format de merde. De toute façon, l'objet. Mais c'était pas cher. Du coup, oui, l'objet. Grande saga, petit prix. L'objet. Bah, parce que c'est. Enfin, ça se finit en fait, tu peux lire juste ça. Et... Oui, c'est les tomes à 14 euros là. Puis c'est une histoire complète. De toute façon, les objets bouquins de chez Marvel sont pas très. Enfin, de chez Panini sont pas très beaux. De toute façon, vu comment. Les nouveaux, un peu mieux quand même. Ils sont améliorés grave quand même, Panini. Avec non, mais quand tu regardes Urban. Oui, bon, Urban, ils ont été ouf depuis le départ en fait, j'ai l'impression. Ils sont. Mais déjà, dans Urban, il y a un peu d'éditorial. Alors que là. Ouais. Sur ceux-là, sur les anciens, oui, mais sur les nouveaux. Hein. Ouais, sur les nouveaux, non, ils sont améliorés quand même. Par exemple, quand je lis des formats Marvel Now, c'est sympa à lire. Il y a des kiosques, tu t'as même pas les noms des artistes sur le kiosque. Tu sais même pas qui a dessiné, non, qui mais a écrit. Ça, c'était avant, maintenant, franchement, ils mettent à chaque fois. Ça s'est arrangé. Mais, ouais, ils sont pas mal arrangés, ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont beaucoup écouté les fans. Je tiens à dire aussi que Thomas crachait sur Alan Davis, mais en fait, il a fait les dessins avec Jim Chung, même pour la première partie en fait. Ok, excusez-moi. Voilà. Bon, est-ce que tu veux nous parler de Spider-Gwen? De Spider-Gwen qui est très très mal dessiné, qui est très très moche. C'est lequel? C'est le tome 1? C'est le tome 2. Ah, c'est le tome 2. Ah bah moi j'ai vu le tome 1. Donc du coup tu vas tout nous spoiler, c'est ça? Non. Du coup je vais m'appuyer sur toi, tu vois. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que c'était moche? Non. Spider-Gwen, j'ai trouvé ça moche. Ouais. Ses visages ils sont ignobles. Ouais, je trouve que ouais, coup, mais c'est dynamique. Rien qu'à la couve, tu vois que c'est moche. Sauf que c'est pas lui qui a dessiné. Merci. Salut. Oh, merci. Boum. Rect. Là, tu vois, t'aurais dû faire ça. Voilà. Donc, du coup, je disais, je vais vous parler de Spider-Man tome 2 qui est sorti le 6 juillet 2016 dans la collection 100% de chez Marvel. Wow. Il y a quelqu'un qui a un portable qui va sonner ou qui est trop près du. C'est peut-être moi. Non, ouais. C'est pas moi. Alors moi il l'a battu le début donc ça c'est chiant, c'est pas grave. Bon, on reprend. Spider-Gwen tome 2 chez Marvel, dessiné par Robbie Rodriguez et écrit par Jason Latour. C'est vraiment moche quoi. Mais je le vois en train de feuilleter, c'est vraiment moche. Ouais, ce qui monte c'est pas super. Les couleurs sont jolies. Non mais regarde ça mec. Ouais mais ça c'est pas lui. Mais c'est vrai que les couleurs sont sympas. Non, ça c'est pas lui. Ça c'est pas Robbie. Oui, Robbie il moi, est moi j'aime bien la colorisation. Là, à partir de là. Donc du coup, pour ceux qui ne savent pas qui est Spider-Gwen, c'est ancré par qui? Aucune idée. Je pense que c'est. Pas à être relais, sinon je pense que c'est Robbie Rodriguez qui s'auto-ancre parce qu'il fait tout sur Photoshop. D'accord. Et si vous suivez sur son compte Instagram, il met tous les jours des photos où il a dit oh, regardez, j'avance, j'ai fait telle case. Ça, c'est pas mal, hein. Ça va faire du bruit dans le. Voilà. Donc, je disais. Est-ce que il fait des trucs où il fait. Alors là, je fais un triangle. Ouais, là, comme Jim Lee. Comme Jim Lee. Et voilà, ça fait battre. Ceux qui ne connaissent pas les masterclass de Jim Lee, regardez. Attends, je vais t'en faire un. Il est là, il fait. Alors, vous voyez, pour faire Batman, faites un rond et deux triangles, voilà, c'est Batman. Et le truc est magnifique. Et toi, tu fais un rond et deux triangles et c'est moche. Mais ouais, parce que tu n'es pas Jim Lee. Voilà. Je t'offre un dessin de Batman si tu veux. Passe-moi un stylo. Donc, du coup, Spider-Gwen est une super héroïne issue du Spider-Verse. En fait, elle avait un tie-in. À l'issue de Spider-Verse. Et en fait, il a été sold out genre en 2 minutes sur. À cause de tous les fanboys. À cause de tous les fanboys dont je fais partie. RT, si t'es un fanboy. Si tu kiffes ce Gwen. Donc, du coup, ils se sont dit, pourquoi on ne fait pas du bif ? Ça sera jamais sur Twitter, juste pour. Il n'y a personne qui puisse. Ils se sont dit, si on faisait du bif et si on faisait un comics autour de Spider-Gwen. Et du coup, est-ce que c'est dans l'univers de. J'y viens. D'accord. Du coup. C'était ma conclusion. J'allais dire que, en fait, étant donné que Spider-Gwen, c'est dans une réalité alternative. Ah, elle est toujours dans sa réalité alternative. Elle est toujours dans sa réalité alors alternative. Alors qu'il est censé plus avoir de et réalité même alternative. Après Secret Wars, elle est toujours. Alors, en fait, du coup, là, c'est les numéros qui sont après Secret Wars. D'accord. Dans la série numéro 2 de Spider-Gwen. Voilà. Vas-y. Pourquoi Secret Wars n'a servi absolument à rien, en fait. Voilà, en fait, tout à fait. Il a raison. RT si t'as Mickman. RT s'il a raison. Donc. Où j'en étais. Voilà, ils ont dit. Voilà, en fait. C'est chiant. Tout à fait. Donc, elle est dans sa réalité alternative et en fait, elle fait son bonhomme de chemin et voilà. Voilà, c'était bien. C'est tout pour moi. Donc, je disais, donc, dans le tome 1, en fait, on apprend de ses origines que du coup, c'est dans une réalité où en fait, l'araignée a mordu Gwen et pas Peter Parker, où Peter Parker est toujours le bolos du lycée et que elle est là, c'est un peu la meuf cool, un peu. Mais il est pas mort? Voilà. Voilà. Non, donc, mais dans ta main, il était donc, mort. En fait, non, mais c'est annoncé. Si vous voulez, c'était annoncé déjà dans le tie-in, en fait. Ouais. Dans l'histoire, c'est que Peter Parker veut devenir un super-héros aussi. Il devient le lézard, non ? Et du coup, il devient le lézard. Et en fait, il attaque le lycée parce que. Suite à des événements qu'on apprend dans le tome 2, pourquoi il attaque le lycée ? Parce qu'il est trop triste que personne ne l'aimait. Voilà, c'est ça. Et du coup, Spider-Gwen le défonce et en fait, il meurt à la fin du combat contre Spider-Gwen. Elle a tué Peter Parker. Elle a tué Peter Parker. Et il s'ensuit donc toute une chasse à l'homme dans le tome 1 avec Matt Murdock, le Punisher et le Kaïd. Et le Ils Voto. Ont pas du tout les mêmes rôles, qui sont plus des, voilà. des bourreaux un peu. C'est ça, du coup, Matt Murdock. Mais Punisher, c'est pas un flic ? Voilà, le Punisher ouais, est ouais. un flic, ouais. Matt Murdock est un avocat véreux. Du Kaïd, ouais, etc. etc. Ouais, du coup, là dans ce tome 2, on suit toujours l'enquête pour savoir pourquoi le Peter Parker il a disjoncté et il a attaqué le lycée alors que c'était un babtou quoi. Hashtag Babtou Fragile. Voilà, donc l'enquête continue. Et en fait, on apprend que du coup, le professeur Connors est toujours là. Et en fait, il a fait des expériences sur des lézards. Et en fait, il a inoculé le produit à Peter Parker pour voir si ça marchait. Et comme il a kiffé, il se l'est mis à lui-même. Voilà, tout à fait. D'accord. Du coup, raconter toute l'histoire. Voilà. Je l'ai pas lu, hein. Donc. Après, il y a de nouveaux personnages qui sont introduits. Dans le tome 1, il y avait Mark Murdock et le Punisher. Là, c'est Captain America, Agent Carter du Shield. Il y a Nick Fury. Le tome 2, du coup. Il y a Nick Fury un peu en fond, mais on le voit jamais trop. Et il y a surtout Harry Osborn. Et c'est toujours moche. Moi je trouve ça beau. C'est un dessin très dynamique. C'est un mec qui faisait du street art avant. C'est que c'est un truc voilà très dynamique, mais du coup des fois il a tendance à faire des corps difformes en fait. C'est genre le Et ce qui est chiant c'est quand ça le visage est aplati. Ses visages ils sont ignobles. C'est pour ça que du coup Spider-Gwen a tout le temps son masque. Ouais, parce que du coup pour ceux qui sont des geeks accros à Gwen, bah elle est pas super jolie. Elle est dessinée quand c'est Campbell qui l'a dessinée. À Miss Marvel en fait. Devant. C'est pas Campbell derrière d'ailleurs. Si, ça c'est Campbell. Si Campbell par contre lui il gère. Mais Campbell il fait que de la couve, il fait jamais l'intérieur. RT si t'as envie d'une cover. RT c'était une variante de Campbell. Du coup pour moi en fait c'est un excellent titre à Spider-Man. Si t'es un fanboy. Ouais, non. Si t'as envie de lire du Spider-Man qui est pas un Tony Stark bis ou si en fait Miles Morales te hype pas tant que ça. Mais attends, la série Miles Morales avec Peaky Lee, elle est géniale. C'est elle la est meilleure. Mais elle est ultra dure à se procurer. Bah non, t'achètes les l'omnibus kiosques. Bientôt. Ah oui, et tu peux me dire le prix des kiosques maintenant ? Je sais pas. J'achète pas de Marvel, moi je suis pas un vendu. Non, du coup, mais de toute façon, il va y avoir un omnibus pour. De toute façon, l'omnibus est sold out. Ouais. Lisez Bad Girl avec Babstar, c'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Donc, au moins c'est beau. C'est ça, au moins c'est beau. Donc si vous avez pas assez d'argent pour vous acheter Ultimate Spider-Man avec Miles Morales, achetez Bad Girl avec Babstar. Achetez Bad Girl. Non. Du coup, vous pouvez vous lancer dans Spider-Gwen, c'est un très bon récit un peu à côté, c'est du Spider-Man au lycée, en plus du coup ça... Oh putain, il spoil. Elle a un petit lézard. T'as spoilé qu'en fait il y avait des ponts avec la continuité de Marvel actuellement et que voilà. Si, bravo. Et, tiens, comme on y est, moi je suis en train de me refaire tous les Ultimate Spider-Man. Et c'est super bien. Voilà, donc du coup, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter ça, que 66 euros pour un homme, c'est un petit peu trop cher. Bagley, il dessine trop bien. Mais attends, mais Ultimate Spider-Man, c'est avec Peter Parker. Ouais. Mais Comment tu fais pour trouver le tome 2 de Ultimate Spider-Man 2? Parce que c'est insupportable en deluxe, je le trouve pas, alors que je veux trop le lire en fait. Ouais, mais et en fait parce qu'il est sold out. Est-ce que c'est toi qui l'as acheté à Planète Interdit, le seul qui est resté à 75€? Est-ce que t'as acheté le comics à 75€? Non, non, il allait sur Pirate Bay, pas du tout. C'est toi. Putain, je voulais me mettre de côté et tout, limite. Non, non, mais je l'ai lu en scan, mec. Ah, ok, voilà. Voilà le bon lecteur comics, on reconnaît direct. Voilà, excuse-moi, Laurent. Si tu m'écoutes. Alors écoute-moi, le mec qui a acheté le. D'ailleurs, t'avais qu'à me donner les comics gratuits, tu verras. Si je n'achèterai pas. Oh de... Oh, mais... hein. Ce serait coupé. Non, il me les prête. Ah, il te les prête. C'est genre. Non, moi, j'en ai eu gratuit. Ça, tu comprends dans les musiques. C'est pas comme si moi j'avais 10 000. Tu es jaloux parce que moi j'en ai eu gratuit et pas toi. C'est pas comme si j'avais 10 000 fois sa communauté et que je. Je faisais beaucoup de choses. Moi, j'étais le seul vrai de la table qui lâchait 120 euros tous les mois à Laurent chez Planète Interdit. Alors, et que le mec. Hashtag jalousie. Hashtag rageux. Hashtag rageux. Hashtag va tout fragile. Hashtag soutenez votre livre. Si toi aussi t'as envie d'avoir des comics gratuits. Hashtag soutiens ton libraire indépendant parce que sinon il va mourir. N'achète pas tes comics sur Amazon. Hashtag Prime Day. Donc, ne lisez pas Spider-Gwen, lisez Ultimate Spider-Man, c'est tellement mieux. Si vous avez une carte bleue gold et que vous gagnez 10 millions d'euros par mois, oui, achetez Ultimate Spider-Man. Si vous êtes dis-le que t'aimes pas que tu veux pas le lire parce que tu trouves que c'est moche. Je trouve que c'est moche. De quoi Ultimate Spider-Man? Il dit que Bagley c'est moche, c'est le seul mec au monde qui doit trouver que Bagley c'est moche. C'est vraiment un type des années 2000. C'est super beau. Ça c'est. Mais je trouve que sa Gwen en fait elle a l'air d'une pute. Mais oui, mais parce qu'au début c'est une pute. Parce que c'est une salope. Il faut la lire, il faut que tu le lises, mec. Il faut que tu le lises. Tu non, faut pas. Vraiment, c'est kiffant, Ultimate Spider-Man. Ouais, c'est génial, franchement c'est génial. C'est super frais, c'est super génial. Ouais. Enfin, t'es d'accord, Ruby, on est d'accord là-dessus. Hein. Donc, on va. Merci à tous pour vos reviews. Merci d'avoir été aussi sympathique pendant la mienne. Franchement, je pense qu'on s'est tous fait lyncher à chacune de nos reviews. Si on a été sympathique. Est-ce que vous voulez faire une pause pour récupérer à boire avant de passer au quiz? Donc on va passer au quiz de suite, c'est ça? C'est ça. Je peux faire un jingle? Vas-y, fais ton jingle. Non, il fait pas de jingle. Pas de jingle. Ah, faut qu'on mette là si c'est rapide. On se retrouve sur le quiz. Attention, c'est le quiz. Alors, je vais expliquer. D'abord, il va y avoir une question de rapidité pour savoir qui va commencer. Car voilà, comme ça, je vais. En fait, j'ai créé ce quiz, ce que j'appelle les 10 indices. Je vais vous donner un indice. Je vais vous donner 10 indices plutôt. Au fur et à mesure, à chaque fois, je vais donner un indice à quelqu'un, il aura le droit de répondre une seule réponse. Donc, ça va être sur un personnage. Et donc, si par exemple, vous répondez à l'indice numéro 1, vous aurez 10 points. Si vous répondez par exemple à l'indice numéro 6, vous aurez 5 points. C'est en décroissant comme ça. En décrescendo. De quoi ? Non. 10, 9, 8, 7 et celui qui aura plus de points d'ailleurs c'est Maxime puisque c'est le comptable de l'émission qui va tenir les il est en train de faire un tableau Excel. Fais-nous un tableau Excel pour les scores. Et celui qui gagne le score aura le droit de décider qui fait le quiz. Alors, la prochaine fois. Je prends la cellule, okay. Je les tire. Alors, il a écrit Tom, ensuite il écrit Maxime. Thomas, c'est ça? Ouais. C'est bon, il a pas fait de faute. Et Ruby avec un Y. Et Ruby en dernière. Version Saphir. Voilà. Un très beau tableau Excel qu'on vous mettra. Alors, la première question qui va coûter 5 points. Ouais, comme ça fera un peu de. Je crois que tu as gagné, Ruby. Non, la première question. J'invente mes règles au fur et à mesure. La première question ne fera pas de points. Ce serait juste pour avoir le truc en premier. C'est rapidité là, du coup. Rapidité. Vous êtes prêts? Non. on va commencer quand même. On aura un petit café avant. Alors, bah non. Bah, c'est bon? Ouais. Alors. Stanley. Pourquoi on s'est vous êtes trop. Alors, qui a interprété Batgirl dans le film de Schumacher, Batman et Robin? T'as aucune idée. Une blonde. Ouais, mais non, je veux le nom. C'est Michelle Pfeiffer. Hein. Non. Michelle Pfeiffer, c'est Catwoman dans celui d'après. C'est la nièce de d'Alfred. J'étais sûr que vous sauriez pas qui c'était. Parce qu'on s'en balait que ce film est à chier, quoi. Tu pouvais pas faire un truc bien, tu vois. C'est le film préféré de Maxime. C'est un des. Tu le kiffes. Tu vas me dire que t'aimes pas Batman et Robin? Non, j'aime. Tu l'as défendu. Tu l'as défendu. J'aime Batman Forever. C'est Batman Forever. Ah, je me suis trompé. Donc personne ne sait? Vas-y, C'était Alicia Silverstone. Du coup, t'as une autre question ou... Oui, j'ai une autre question. Alors, j'ai une question. J'en ai qu'une de plus. Hein, donc, vous avez intérêt à être. C'est un truc qu'on aime bien, moi. Alors, c'est une question qui. C'est pas du Marvel et c'est pas du DC. Donc, je sais pas si vous avez. Et normalement, c'est un peu simple. C'est du ciné ? Non. Enfin, si, ça peut l'être. Alors, quel est le nom de l'agence où travaille Hellboy ? Hellboy, ah putain. Franchement. C'est un acronyme. Ok. aucune idée. Vous avez le droit à un point si vous me dites en plus l'acronyme en entier. Est-ce que si je te dis une lettre, ça passe? Non. Il y a un truc paranormal dedans. AP, attends, agency. Tu as le point, bravo. Bon allez, je suis gentil, ça commence par B. Bab tout fragile. Non. Putain, vous êtes chiant, j'avais qu'une réponse, j'avais qu'une... Ça ouais. Vraiment tous pourris en fait. Mais vous êtes, parce que vous êtes vraiment nul hein. Ouais, en même temps, t'as vu les questions compliquées. BPRB, c'est tout pas. En plus, c'est le nom, c'est le nom de la série quoi. Le nom de la série, vous êtes vraiment. Hellboy. Bah non, justement, le nom de la série, c'est pas. RIPD. Donc, je vais griller mon autre question. Mais non, mais t'as qu'à les inventer. Mais non, mais c'est pas grave. Si t'as envie, moi je l'avais. Non, mais c'est bon, j'en ai une. Quel est le vrai nom, attention, de Wolverine? Logan? Non. Attends, Serval? Non. Putain, vous avez vraiment aucune culture. C'est fou, quoi. C'est pas John? Non. C'est pas loin. Derek? Non. C'est Jonathan... Non, attends, c'est pas... Non, Putain, mais vous avez aucune culture, c'est fou, quoi. Oh, hein? Oh. Déjà, je sais qu'il a 3 griffes. Bah non, il en a 6. Bah oui. Bon, bah déjà, c'est pas lui. Non, c'est dans un autre univers... Il a perdu un bras. Putain, allez, il a perdu un bras. Ah, mais oui, il y a un univers où il a perdu un bras. Je crois que ce sera nous qui ferons le quiz et que tu vas participer. Ouais, tu vas voir. Oui, mais je. Bon, tu vas voir. Bon, c'était James Howlett. Oui, non, mais non, pas non. Bah oui, là d'un coup, c'est m'est venu là, je savais. Ah oui, James. Bon, allez, j'ai une dernière question de rapidité. Après, j'ai plus de questions de rapidité, donc on fera au hasard. Et c'est une question, je l'avais mis juste pour le fun, mais je pense pas que vous aurez la réponse. Celui qui s'approchera le plus. Alors, quel âge aurait la torche si le temps des comics se déroulait comme dans le temps de chez nous? Il est arrivé en 60. Allez, dites un chiffre, on va commencer par le plus jeune. Vas-y, dis un chiffre. Putain, mais attends, 2 secondes. On n'est pas en S, hein. On est en L. Déjà, 5 plus 1, ça fait combien à peu près? Allez, moi je dis 62. Attends, vas-y. Attends. Vas-y, à toi. Attends, vas-y, 75. Vas-y. 75, c'est l'âge que devrait avoir Batman à peu près. Ah non, mais il faut compter en plus son âge dans le comic. C'est compliqué quand même. Ah ouais, putain, j'ai pas compté comme ça. Elle devrait avoir à peu près 90 balais. Alors, il a 71 ans. C'est Ruby. C'est Ruby qui a gagné. Puisque dans le comics, il avait 17 ans en 62. Bravo. Voilà, c'était un peu. Chier. Bravo. Bon, alors, est-ce que t'as compris le principe? Je vais te donner un indice. Il faut que tu me trouves le personnage. Mais en fait, c'est des avantages de commencer en premier, du coup, puisqu'on n'a pas les autres indices. Bah oui, mais si tu trouves direct, t'as 10 points. Génial. Alors, il a des cornes. Alors, il a fait partie d'au moins 13 groupes ou équipes. T'as droit à une seule réponse. 13 groupes ou équipes? Ouais. Alors, il a fait partie, donc c'est un homme. Merde, je vais avancer à ça. C'est pas grave. Il ou elle a fait partie. Batman. J'aurais dû dire le personnage. Il a fait partie de 13 ou quoi? 13 groupes ou équipes. 13 groupes ou équipes. Il y en a, enfin, je sais pas, il y a... Bah, donne un nom au hasard, si tu peux. Absolument aucune idée. J'ai une question technique. Vas-y. Est-ce que genre, par exemple, tu vois là, il y a c'était les New Avengers qu'elle parlait. Ouais. Donc ça, c'est une équipe. Ouais. Est-ce que les New Avengers d'aujourd'hui, s'il est re dans la même équipe, ça compte pour une équipe non, ou pour deux? Non, c'est une seule. T'as une seule itération par. Si t'as fait partie d'une fois New Avengers, tu l'as fait pour. Oui, mais du coup, si c'est plus. Ok, d'accord. Déjà, on sait que c'est dans Marvel. Et je l'ai compté sur une encyclopédie, donc ils le disent qu'une seule fois. D'accord. Alors. Vas-y. Aucune idée. Alors, je vais donner un nom le plus connu. Disons Captain America. Non, ce n'est pas Captain America. On va tourner comme ça, c'est Maxime qui passe. Alors, deuxième indice. Il est né à Takor. Alors là. C'est pas Namor. Putain, mais t'es un fils de pute. Putain, j'allais le dire, si c'était mon tour. Putain, j'avais des trucs trop bien après. Il a eu 9 points. Bon, mes trucs d'après, pour le fun, c'est son est-ce que vous savez son nom de famille? Non. C'est Mackenzie. Mais Namor, je le connais à peine. De quoi? Je suis sûr que ton ami, il a sa propre ville ou il a plein de sa ville. Putain, t'es vraiment con. On va passer à la suite pour le prochain. Et ça me fait rire parce que tu vas comprendre après en fait. Il a obtenu ses pouvoirs grâce à une météorite ou un vaisseau extraterrestre selon les versions. Là, on aurait dit Superman, je suis sûr. Non, c'est pas Superman. Oui, passe à toi. Attends, c'est. Ah, mais c'est toujours Namor ou pas? Non, mais c'est autre chose du coup. Attends. C'est un autre personnage. C'est un autre personnage maintenant. D'accord. Ah oui, bah, j'aurais dit Superman. Donc, non. Bah non, c'est pas... redit, ce que tu as dit. Alors, j'ai dit qu'il avait obtenu ses pouvoirs grâce à une météorite ou à un vaisseau extraterrestre. Et il est aussi le fondateur de sa propre ville. C'est pour ça que ça m'a fait rire tout à l'heure. Quoi? Pour une équipe. C'est quoi? Et donc moi, c'est quoi l'indice du coup? C'est le fondateur d'une de sa propre ville. Il a créé sa propre ville. Qui est-ce qui a créé sa propre ville? Je pense que tu penseras jamais à lui. Enfin, tu connais pas Captain America City? Vas-y, donne-nous une réponse. Green Lantern. Non, ce n'est pas Green Lantern. Moi, je veux des questions sur le cinéma. Il n'est pas vraiment ami avec le général Ealing, bien qu'il soit aussi lui aussi général. C'est bien, je ne connais absolument pas le général Ealing, ouais, donc général en fait... Bah vas-y, réponds. Au hasard. Dark Vador. C'était la voix de Ruby, on a mal. Bah oui, dans ça... Aucune idée. Je peux pas répondre à personne. J'ai mais c'est lui qui va avoir les deux trucs, ça, c'est dégueulasse. Parce que lui, il sait, je suis sûr. Alors, Hector Hammond a eu ses pouvoirs de la même façon que lui. C'est Green Lantern? Non. J'ai déjà dit Green Lantern. J'ai déjà dit Green Lantern, donc on passe à... Moi j'avais pensé à Green Lantern comme ça. Mais... Alors, son rival s'appelle Solovar. Putain, mais vous avez aucune... Moi je reste sur Dark Vador. Vous avez aucune culture. Hein. Moi je te suis Dark Vador. Non. Il a été créé par John Broom et Carmine Infantino. Infantino, excusez-moi. Le surfeur d'argent. Non, surtout Carmine Infantino. Je sais pas, je dis des trucs au pif. Alors, c'est un ennemi de Flash, mais il n'est pas dans les Lascar. Ah, mais mais Flash, je connais pas du tout son univers. Je connais en fait. Aucun truc de Flash, il en fait. Il sait, c'est bon, il sait. Vas-y, donne un ennemi de Flash au hasard. bien sûr. Ah, Brood. Flash, Brood. Non, je ne sais pas. Aucune idée. Vas-y. Ah, Nicolas. Tu sais pas, vas-y. Bah, je donne du milieu. Il a la fâcheuse habitude de manger le cerveau de ses victimes. Il le fait. Alors là, je pensais à Reverse Flash ou Zoom. Mais... Non, c'est pas lui. Vas-y, passe. Ah, du coup, c'est un des nouveaux personnages de Injustice. Grodd. Grodd. Ouais, c'est Gorilla Grodd. Putain! Oh mais putain! J'y ai pensé quand t'as dit il mange, mais ça se trouve c'est Gorilla. Et du coup, t'as putain, deux points. Mais... J'ai deux points. Oh, je vais chier! Putain, j'aurais dû en prévoir plus en fait. C'est pas grave. Donc bah c'est Maxime qui a gagné. Ah c'est tout, non, c'est bah c'est glisser, c'est genre un gros singe. C'est long à faire déjà donc s'il vous plaît. Bah tu fais plein de questions. Donc il faut que tu décides maintenant qui fait le prochain. Ah non, c'est toi qui décide. C'est moi qui décide. Ouais. Ah mais attends, mais on en fait pas encore d'autres là, c'est... Ouais, bah non, j'en ai pas d'autres. Hein. Wow. Bah franchement, j'aurais gratté beaucoup de points le prochain qui fait, il fait beaucoup de questions. Ouais, non mais ouais. C'est plus simple que ça. Est-ce que tu m'en veux si tu refais le quiz? Non, c'est pas grave, je le referai parce que il était pas, enfin, j'aurais dû en faire plus. Mais des trucs qui sont plus accessibles. Je m'auto-sacrifie. Ouais, mais après, il faut que je fasse du... Enfin... Je m'auto-sacrifie, je fais le quiz. Tu fais le quiz? Je fais le quiz. Fais du cinéma. Mais... Beaucoup de cinéma. Oui. Je vais faire un truc marrant, tu vas voir. Mais moi, c'est censé être marrant, hein, mais c'est comme vous avez pas de culture... Mais c'est pas forcément la même forme que toi. On se marre quand on entend hey, il mange le cerveau de ses ennemis. Bah oui, bah il dans. Moi je suis. Artiste a rigolé. Artiste a rigolé. Dans le. Artiste a trouvé ça drôle. Quand il chope Flash, c'est ce qu'il veut lui faire. Dans le run de avec Manapool. RT, si c'était trop marrant. Bah ouais, c'était cool, moi j'aime bien qu'on. RT, si toi aussi tu veux plus de questions. Vous êtes des fils de pute. Bon, bah on va passer au point cinéma. Ouais, je vais enfin servir à quelque chose. Ah. Donc, on va parler de l'extended version du meilleur film du monde entier. Ninja Turtle 2. Non, Batman versus Superman. Alors, est-ce que tout le monde a vu cette version extended? J'ai même pas vu la première version. Tu n'as rien raté, merci. T'as pas vu alors... BVS? Non, j'ai même pas vu BVS. T'as pas vu BVS? Mais j'aime pas d'ici. Qu'est-ce que vous voulez? Mais tu sers à rien, pars. Mais oui, pars. Ruby président. Deux. Présidente. Je tiens à dire. Bonne idée de pas regarder ce film. Mais non, je tiens à dire que ce monsieur qui est en face de moi avait sa bio Twitter avant, qu'il était marqué je suis un DCiste convaincu. Non, mais j'ai fait confiance à Thomas. Thomas m'a dit que c'était de la merde. Non. Est-ce que c'est la meuf qui remporte la faute sur moi? C'est le meilleur film de cette année. Alors. Sérieusement. Mais pour moi, c'est le meilleur film de cette année. Si tu me permets. J'ai déjà mon meilleur film de cette année. Et c'est pas Civil War. Fifty Shades of Grey. Oui. Non mais parce que je suis fangirl et que... Tellement pas, mais... tellement pas. Je vais faire une petite intro, tu vois. Non. Non, si. Non, c'est pas, si, toi, si. C'est pas ton podcast, mec. Bah c'est alors, je ne parle pas. Zack Snyder a décidé voilà. De chier sur l'univers d'ici avec... Moi, je vais expliquer pourquoi... On va aller dans les arguments, fais ton intro. Je vais expliquer pourquoi j'aime ce film. je trouve que c'est un... Et après, on va le casser. Un des seuls films de cette année... On parle de films super-héroïques, hein, parce qu'on parle pas du... Un des seuls films de cette année qui essaie de raconter quelque chose. Non. Vas-y, continue. Le propos qui a un vrai message. Foutu, il y a un vrai message, mais oui. Non, mais le propos est trop mal avant foutu. Avant de parler du film, je pense qu'on devrait juste dire en quoi consiste l'extended version. À rien, et à rien. Ouais, ouais. À rajouter des petites scènes de merde. Alors que... Mais tellement pas, mec. Tellement pas. Là, je suis d'accord avec James. Pour une fois. Ça m'arrache la bouche. Je suis pas d'accord. Par exemple, dans Watchmen, tu vois à quoi ça sert les extended. On parle pas de Watchmen. Mais c'est pas Zack Snyder, on peut faire un lien, tu vois, la version longue. Alors, la version longue, la version longue rajoute beaucoup de trucs qui. Mais j'ai même pas remarqué en fait les scènes en plus. Ah si, tu refais l'histoire coup plus. Mais mec, t'es plus fluide, tu comprends mieux les. Il les... y a plein d'explications en plus. Mais je crois que. Il y a des personnages en plus. Il y a des. Arrête, ne joue pas avec ça, s'il te plaît. Merci. Ça avait plus de tout à l'heure que t'as dû me le dire. Ouais, bah. Ça se trouve, il m'a niqué le truc de la verge. qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc la version étendue, enfin la version Ultimate selon le Extended Version. Ultimate, il y a écrit Ultimate. Ouais. Sur ma préco de Blu-ray Amazon, il y a marqué Extended Version. Alors, les mecs, ils déchargent en WebDL RIP, mais vous calmez, ok? On s'est posé une question. C'est quoi la Fnac? On s'est posé une question avec Faye. J'essaie de parler. Toi, t'es un vrai. Je vais tellement changer d'équipe parce que vous êtes. Bon. Vous voulez qu'on ouvre un nouveau podcast sans plus, quoi. Ouais, vous avez pas le matos pour tourner un podcast. Je suis blindé, j'achète tout. Donc, j'étais en train de dire. On se demandait avec Faye, en fait, il n'y a que la version étendue qui sort. Ils sortent un. Ouais, mais il y aura la version cinéma sur le DVD ou Blu-ray. Si, si. Tu pourras décider de le regarder en version cinéma ou en version extended. C'est Maxime, l'homme qui sait tout, ça m'étonnerait qu'il laisse pas disponible. Je vous conseille tous d'aller sur le site L'Étoile Héroïque et vous aurez toutes les news qu'il vous faut. Je ne me fie qu'à mon revendeur de DVD indépendant qui s'appelle Amazon.com où en fait il y a une version Blu-ray qui est à 3€ moins cher où il n'y a pas la version cinéma. Il y a une version à 22,99€ où il y a la version cinéma, ils te disent. Ça sert tellement à rien d'avoir la version cinéma. Et ils te le disent quand tu l'achètes, moi si tu veux, je suis allé préco mon truc, ils m'ont dit attention, il y a une autre version plus chère avec plus de films. Donc du coup, bon, je suis désolé pour Ruby, on va un peu spoiler le film. Tu veux dire que il m'a déjà tout spoilé. Tout à fait. On va arrêter ce débat qui est un peu inutile, qui sert un peu à rien. Ouais, ça on va le couper. On en reparlera le jour de la sortie. On va expliquer qu'est-ce qu'apporte en plus la version étendue. Déjà, il y a tout le truc avec au début avec Lois Lane qui arrive en Afrique. On comprend pourquoi parce que il y a des scènes en plus et on comprend pourquoi tout le monde en veut un Superman puisque on voit en plus. Jimmy Olsen. Mais on le voyait déjà. On savait pas que c'était lui. Mais quand même, c'est drôle que. Si on le savait, il le disait. Non, il disait pas. C'était Jimmy Olsen. Non. C'était écrit au générique. Ouais, hein, c'est énorme ça quand même. Jimmy Olsen, le personnage hyper fameux dans dans Superman, et là, bim, je fais what? Quand il se présente, je suis Jimmy Olsen. C'est fini. J'ai pas capté pourquoi en fait. Enfin bon, on sait plus sur ce truc là. On en sait plus sur l'enquête de Lois Lane qui sert un peu plus à quelque chose dans le film. Et de Clark aussi sur le Batman. Ouais. On voit Clark qui arrive à Gotham et qui discute avec des gens à Gotham et qui on comprend mieux pourquoi il en veut autant à Batman puisque en fait il suit toute l'histoire du mec qui s'est fait cramer la peau et qui s'est marqué au fer. Qui s'est marqué au fer rouge et qui se fait buter en prison parce qu'il a été marqué au fer rouge. On a beaucoup plus de scènes avec Bruce Wayne qu'on a l'impression que vraiment Lex Luthor essaie de le pousser à la folie. C'est un peu plus poussé et plus de scènes aussi avec Lex. Il y a la batte douche exactement, la batte douche ouais, très utile. Et des scènes avec Lex aussi qui il y a des scènes avec pourquoi il est comme ça aussi à la fin Lex. Ouais, ouais, notamment avec ouais. Avec moi je veux que tu me dises. Et il y a un autre truc il y a tout le délire avec Holly Hunter, enfin la sénatrice qu'on ne savait pas dans la version cinéma, c'est qu'elle savait que Lex Luthor était un connard et encore plus elle sait que c'est lui qui a poussé que c'est lui qui a Pierre Pumer, excusez-moi. C'est lui qui a commandité les meurtres en Afrique et qu'il a poussé des témoignages contre Superman. On sait que Superman ne peut pas avoir vu la bombe grâce au plomb dans le. En fait, j'avais carrément zappé parce que je crois que j'avais un peu zappé le film et Batman. Moi, le truc que j'avais plus zappé qui revient, c'est pourquoi tout le monde en voulait à Superman. Et là, enfin, c'est enfin expliqué. Parce que on sait pas. Le film est vraiment mieux dans cette Ultimate version. C'est vrai, je l'ai préféré, mais aussi parce qu'en fait, je crois que j'ai préféré le voir une deuxième fois parce que, par rapport à la première fois où je l'ai vu. Parce que du coup, j'ai pas eu cette déception déjà. J'ai pas eu cette déception parce que je m'attendais à tellement autre chose. Bon, vas-y, on va y aller en mode argumentatif. Tu vas me dire pourquoi tu aimes ce film et après, moi, je vais te dire pourquoi je l'aime. Vas-y, non, mais dis-moi. Pourquoi je devrais pas l'aimer ? En quoi ? Alors, pourquoi je n'aime pas. Non, j'ai pas dit que tu devrais pas l'aimer, mais moi, en tout cas, je l'aime pas. Du coup, ok. On cotera. Ok. Moi, j'ai pas aimé ce film tout d'abord parce que je déteste comment les personnages de la Justice League sont introduits. Je déteste ça. Genre, Flash, on ne sait pas pourquoi il est là. Ça dure deux minutes, tu peux pas juger le film juste sur des images. Mais oui, non, mais je trouve que ça casse le rythme du film carrément avec le rêve. On ne sait pas d'où il sort. T'as Flash qui arrive, ça casse le rythme. Après, Wonder Woman qui arrive, Doomsday, je trouve qu'il est introduit trop mal. On ne connaît rien sur Doomsday. Ça veut rien dire. Je trouve qu'il arrive comme ça. Pour ajouter un peu d'explosion. Mais t'as plus, pas besoin de coller plus sur Doomsday, tu t'apprends juste que c'est Lex qui le fabrique en tant que film, en tant que film, même pas en termes d'adaptation, en tant que film, c'est pas cool d'introduire un personnage de dernière minute. Comme mais c'est pas un personnage, c'est pas le Doomsday est pas vraiment un personnage, c'est juste une menace. Il arrive et c'est une menace qui. Mais on peut venir aussi par exemple sur Wonder Woman. Wonder Woman, elle est introduite comme ça. Et on sait pas pourquoi, alors qu'on la voit 2-3 minutes dans mais pourquoi t'avais besoin d'en avoir plus sur Wonder Woman? Ça serait expliqué dans son film, ça aussi. Il y a pas que ça comme défaut. Je trouve que ce qui m'a le plus. Je vois pas en quoi c'est un défaut. Wonder Woman, elle est montrée en fil rouge comme ça, parce qu'il y a un univers autour du film et elle est là. Voilà, quoi. T'as pas besoin d'en avoir plus, quoi. Ouais, je sais, mais avant tout, le truc qui m'a le plus énervé, c'est surtout. Que le film devait prendre un parti pris avec un propos. Moi, j'attendais vraiment une discussion sur la justice. C'est vraiment ce que cherchait Batman avec Superman. Et finalement, Batman, lui, tue des gens. Donc, c'est ça. Ça veut rien dire. Du coup, je trouve que le propos, il est plus dedans. Il tue des gens dans la vision, cauchemardesque qu'il a. Avec la Batmobile, on va dire qu'il dérape. Ouais, à Batmobile. Mais c'est tu pas vraiment. À feu, ouais, mais c'est un Batman qui a 20 ans de carrière, il est à bout. C'est une vision du Batman. Faut pas coller aux comics à 100%. Mais je déteste comment Zack Snyder a essayé de se rattraper sur ça. Il a dit c'est juste parce que c'est inspiré de Dark Knight Return, alors que vraiment les références à Dark Knight Return. Mais Batman, quand tu lis du Batman, c'est un mec qui est névrosé, qui a des problèmes psychologiques, et c'est vraiment ce Batman-là que je voulais lire. Et voir en film, quoi. Du coup, je reviens sur ce qu'il disait, tu vois, qu'il devait y avoir une discussion sur la justice. Ça te choque pas, tu vois, que ton super-héros préféré, genre quand Superman il vient, il lui dit attends, il faut qu'on parle, il y a un problème, il y a un truc bigger. C'est le même reproche que j'ai sur Civil War. Hein. Mais on en a déjà parlé. Ton argumentaire, il est nul. Non, mais. Le mec a été poussé à la folie par Luthor. Pendant tout le film, il est poussé à bout. Pendant tout le film, il est là en train de dire putain merde, il y a des gens qui poussent à détester Superman. Tu crois que ça fait 2 heures qu'il est en train de se monter la tête sur parce ça. Que tu vois, le mec le seul mec qui est censé écouter dans toute sa vie, qui est Alfred, lui dit il y a peut-être 1% de chance qu'il détruit l'humanité, mais il faut attendre. Il faut qu'on ait des garde-fous, qu'on attende que il commence à vriller, il faut qu'on puisse lui péter la gueule de suite. C'est un mec qui se lève la nuit et qui s'habille en chauve-souris pour tabasser des mecs. Tu crois qu'un mec comme ça doit être raisonnable? Oui, mais un mec comme ça. Mais à ce moment-là, t'as zéro argument en fait. C'est voilà, le mec, c'est Batman, il doit péter des gueules. Mais non, je dis pas qu'il pète des gueules. Je te dis juste que c'est pas un mec raisonnable. C'est un mec qui est névrosé, qui a un problème psychologique. Et c'est normal qu'il pète un plomb. Et en plus, Luthor le pousse à la folie pendant tout le film. C'est normal qu'il veuille pas. C'est pas le Batman qu'on aime tous les deux. C'est pas le Batman de Capullo qui est là, qui attend, qui planifie, qui discute, qui se dit si je peux sauver une personne de plus, ne pas la tuer. Il a été ce Batman, mais il y est pas parce que ça fait 20 ans qu'il est en. J'ai l'impression. Moi, c'était pas le Batman que je voulais voir. Il a du vécu. On voit le costume de Robin. On voit. Il en a pris plein la gueule. Du coup, quand tu lis Dark Knight Return, tu crois que le mec est un mec raisonnable et un mec réfléchi? Non, mais il te dit on va tirer des balles en caoutchouc. Et il dit au mec, au mutant dans Dark Knight Returns, il dit Vous ne tuez pas, sinon vous dégagez. Mais par contre, la question. Le mec... Mais il tue personne à part dans le truc. Il tue. Le mec, dans la scène de baston à la fin, à la mode Arkham, il y a un gars, il lui éclate la tête contre le mur, la tête explose. Vous pouvez regarder. Non, il pisse juste un peu du sang, c'est tout. Ah oui, viens, je te fais pareil, on va voir si tu es vivant. Et il lui balance une grenade sur un gars. C'est pas lui qui balance la grenade, il se défend. Là, c'est de la défense. On lui balance la grenade, il la balance sur un gars alors qu'il pourrait la jeter par la fenêtre. Donc il y a ça. Il y a les mecs sur la. Il la renvoie, pas il l'attrape. Oui, il la, oui. Il la renvoie et il donne un coup de dent qui repart par. Oui, mais du coup, il aurait pu la choper. En deux secondes, c'est Batman, quoi. Après, il y a les mecs avec la Batmobile où il leur mitraille la gueule dessus, tu vois. À un moment, il chope une voiture, il la tracte et il balance la voiture. Il y a quatre personnes dedans qui sont mortes. Boum sur une autre voiture et la voiture fait boum. Tu veux faire la même chose avec Dark Knight ou avec Dark Knight Rises et je suis sûr qu'il y a des moments où il fait exactement le même genre de truc. Si tu veux pour en revenir au truc, moi ce qui me choque, c'est que tu vois, encore tu bats Superman, il viendrait, il lui pèterait la gueule. Ok, je comprends que l'autre se défend. Mais tu vois, là le mec il dit attends, il faut qu'on part. Et l'autre, mais parce qu'il a été poussé à bout par Luthor. Mais moi ce qui m'énerve, c'est que la question de la justice, enfin. Que Batman tue, la question est même pas abordée, alors que ça devrait être abordé dès le départ. Parce qu'on attend sur Batman. Mais c'est pas ça la question. Il vient juste d'arriver, Batman. Je veux bien un mec qui vient juste, mais ça fait 20 ans qu'il est là. Les gens, mais c'était quand même le propos de l'histoire avant tout. Mais non, ils ont jamais dit que c'était. C'était Superman à dévaster du monde et Batman serait questionne sur ça, justement. Mais t'as les deux qui se hypent sur la même chose. Superman est en train de se pousser à bout en mode putain, Batman, c'est un mec qui va tabasser des gens. Et c'est, enfin, tous les deux, tu les vois en train de se pousser à bout et en train de se monter la tête chacun. C'est ça, ta question sur la justice, elle est là. Ben, moi, je trouve que l'une des meilleures questions sur la justice qui est abordée, par exemple, dans Daredevil saison 2, là, c'est super bien abordé. Ouais. Alors que dans Batman, mais compare pas un film de 3 heures et une saison de plusieurs épisodes. Tu peux pas faire la même chose. Le truc qui parle, c'est sur 4 heures. Donc, un film de 3 heures versus 4 épisodes d'une heure. Franchement, c'était beaucoup. Mais c'est pas la même chose. Tu dis que le Batman est usé, mais il est usé depuis quoi? Depuis 6 mois. Parce et ça que fait 20 ans qu'il le fait. Oui, mais il est usé depuis 6 mois. Il a vrillé depuis 6 mois. Et parce qu'ils le disent que ça fait 6 mois ou, allez, un an si tu veux être machin, qu'il marque les mecs au fer rouge. Et en plus, ça fait un an qu'il a vrillé. Et dans la première scène où tu le vois rentrer dans la Batcave, Alfred lui dit: ah ouais, vous avez des nouvelles méthodes, vous avez vrillé comme ça. Il le regarde et lui dit: mais tu fais n'importe quoi là. Et tu vas me dire que. Tu le vois pas qu'il le. On sent que le mec a un vrai problème avec la famille. Et mais pendant tout le film, il le pousse à bout au niveau de la famille. Au début, il y a la gamine qui a perdu sa mère, donc c'est pour ça qu'il pète un plomb. Et à chaque fois, on repart sur ce côté de famille. Je suis d'accord avec toi, mais le seul mec qui est censé être sa famille et qui est censé lui dire « là, tu vas trop loin », le mec, mais... il sert à rien. Je suis désolé, c'est pas l'Alfred que j'aime. Ouais, c'est pas le mec qui est là en mode... Alors justement, moi je trouve que c'est un Alfred super bien. C'est un Alfred de ouf, parce que c'est pas un Alfred qui est au service de Batman, c'est Batman et Alfred qui combattent tous les deux le crime ensemble. Et ça, c'est super cool. Dans ce cas, même Alfred, regarde, une émission engagée. Exactement. De la Batwing, Alfred, il tire lui aussi. Ouais, ça je trouvais ça classe. Non, quand il dit prenez le contrôle, il dépose et après il tire dans le. Si, mais à un moment, il y a Alfred contrôle et ça, je trouvais ça classe quand même. Lui, il contrôle et l'autre, il est là, il dit. Ici, il explose les vitres pour qu'il rentre. Pour revenir sur les points. Non, c'est Batman en sautant qui explose la vitre. Ah, ouais, mais tire et ça permet à Batman de rentrer. Imagine. Il n'y a personne à cet étage en même temps. Après, je tiens aussi à dire que j'ai vraiment été déçu par ce film, mais il y a des points que j'ai bien aimés. Par exemple, je trouve que la réalisation de Zack Snyder est vachement cool. Ça manque de plan séquence. Sauf que je trouve que des fois, il laisse. Ça sert à quoi d'avoir un plan? Ça sert à quoi de mettre. Ah ouais, j'ai mis mon plan séquence, c'est bien. Les scènes de combat en Batmobile, j'ai trouvé plutôt moyenne. Mais après, le reste, franchement, la scène de combat Superman et Batman était vraiment stylée, ça, j'avoue. Même la scène de combat contre les gens de. Contre l'espèce de second couteau de Luthor, elle est géniale. Mais la musique aussi était vraiment géniale. Le thème de Wonder Woman est génial, il est ouf. C'était pas mal, ouais. Mais après, pour moi, j'en reste là sur ce film. Après, les costumes étaient vraiment classe aussi. J'aime beaucoup l'esthétique du film en soi. Mais voilà, après, moi, j'étais... La photo est géniale. De ouf. La photo sur le rêve et la photo... Y a un plan séquence dans le rêve quand il se bat, ouais. Mais je vais pas relancer sur le plan séquence. C'est... Non, le débat, Martha. Non, ça veut rien dire. Le débat sur Martha, il veut rien dire. Si. C'est tout le propos du film, il est là. Et tout le monde râle sur un truc. Alors que tout le propos du film, il est là. Bah non, justement, je trouve que c'est expédié en deux secondes ce truc. Vraiment. Mais non, mais dans l'extrême version, tu le vois encore plus. Tout le monde a dit ce que j'ai déjà dit, tu vois, mais moi je suis d'accord avec ça. C'est que ce truc Martha, ça arrive comme ça, là, et hop. Mais d'un coup, mais tu vois, le mec, le mec pendant tout le truc, il s'est monté la tête, et d'un coup, il se retrouve, putain merde, je suis dans la peau du mec qui a tué mes parents. Ouais, mais je deviens le mec qui a tué mes parents. Mais je trouve que. Le truc pour lequel il s'est battu toute sa vie. Il devient cette personne. Toute sa rencontre. Il pense que maintenant, depuis le départ, il devrait y penser. Bah, c'est le fait que. Mais le fait que Luthor le pousse sur la famille. Bah oui. Le fait que Luthor le pousse sur la famille pendant tout ça. Et bah, y a pas de véritable discussion après entre Batman et Luthor. Oui, parce que. Après, y a jamais une discussion vraiment. Mais dans l'extended version, tu vois, il Pour aller plus loin, il y a même jamais de discussion entre Luthor et Bruce Wayne. Il y a juste des lettres que Bruce Wayne n'a jamais reçu et qui voit 5 minutes à un moment du procès. Ouais, il n'y a jamais de discussion. Jamais les deux se croisent au truc et Bruce Wayne lui fait « Allez, vas-y, casse-toi, t'es un bolos. Et moi, je vais mettre mon serveur dans tes cuisines, tu vois. » C'est vrai. Si tu veux, je comprends que Luthor, il y a une machination qui le pousse. Ok, ça, je veux bien fermer les yeux et dire « Ok, ça marche. » Mais le Martha... Ça marche pas parce que. Mais si ça marche! Mais non, on reprend l'exemple de l'enquête de Clark. Clark, le mec qui l'enquête, qui se fait buter en prison, il est parent aussi. Il te montre un moment où il a une petite fille. La femme est là au poste de police. Elle a une petite fille dans ses bras. Il dit, ben voilà, je suis. Non, c'est pas sa fille. C'est sa fille? C'est sa fille. Elle dit, ben voilà, je suis veuve. Pourquoi? Elle dit, c'est pas mon mari. Ouais, mais c'est pas son mari, mais c'est son mec, tu vois. C'est le père de sa fille. Il est là en mode, ben voilà, je suis veuve. Et tu vois, tu vas pas me dire que Batman il a pas pensé. Tu vas pas me dire que le Batman qu'on a tous aimé, le Batman de Bruce Timm. Mais Batman n'a pas. Il a juste mis un mec comme ça random, il va pas surveiller tous les gens qui sont en prison. Mais si, mais non, parce que du coup il le marque au fer rouge et Alfred lui dit quand vous marquez les gars en fer rouge, ça les tue. Dès qu'ils vont en prison, ils sont buter. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais il est vrai. Pas sur ce problème là, il est sur. Ça c'est ouf aussi. Il est pas sur cette enquête là, là il est sur le. C'est à cause de Batman que Portugais blanc. Ils sont tués en prison en fait. Oui, c'est à cause de Batman. En fait, du coup. Ils sont marqués, c'est à dire qu'ils vont mourir quoi. Et on comprend. Mais on comprend dans la version Ultimate que c'est pas à cause de Batman qu'ils sont butés, c'est Luthor qui pousse les. Qui pousse les gens et qui paye. Non, mais en plus, revenons sur. Si, dans la version Ultimate, il le montre que c'est Luthor. C'est Luthor qui paye les gens pour buter. Bruce Wayne lui dit. Enfin, Alfred lui dit. Dès que vous allez marquer un mec au fer rouge, il va mourir. Ah, ok, c'est un plan de Luthor. Ok, ça marche très bien. Mais du coup, le mec est pas là en mode. Ah ouais, je vais tuer des gens. Et parce qu'il est pas sur ça. Mais même si on revient sur le personnage. C'est pas lui qui l'a vu. Le Batman qu'on aime, tu vas pas me dire que le Batman où on a parlé pendant des heures et des heures. Putain, Capullo c'est le meilleur et tout. Tu vas me dire oui, que mais c'est ce pas le Batman de Capullo et Snyder. Tout, c'est pas le même Batman. Oui, mais pour Batman moi, pour tout, moi, Batman, il y a des règles. Le Batman de Capullo et Snyder, il vient d'avoir son costume. Ça fait un an qu'il. Non, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Je dis que c'est pas le Batman qu'on aime, mais le Batman qu'on aime, quand on le voit, il a pas 20 ans de carrière. Non, mais pour moi, le Batman. Moi, c'est un des Batman que j'aime. Non, mais Batman. Le Batfleck, c'est un des Batman que j'aime. Et la meilleure version cinéma. Un discours engagé. Exactement, mais Warner, je t'aime. Non, mais vraiment. Parce que Christian Bale, il faisait un bon Batman, mais un mauvais Bruce Wayne. Alors que lui, là, t'as les deux. Là, t'as les deux. Pour moi, Batman doit forcément avoir une question morale. La question doit toujours être abordée avec Batman. C'est toujours. Une question mais là, c'est pas... de tuer. Pourquoi parce que c'est pas un film Batman. On a dit la même chose Batman. À Man of Steel que Superman, il tuait tout le monde à la fin de Man of Steel. Enfin, qu'il y avait plein de dégâts et tout. Mais ça l'a pas empêché après dans la suite de jouer sur ça. Donc peut-être que ça maintenant qu'il a vu Superman, ça va le faire grandir, même s'il a déjà 20 ans de carrière. C'est ça qui va lui faire s'en rendre compte. Comme Superman s'en est rendu compte après avoir détruit tout Metropolis. Je trouve que c'est hyper mal abordé dans le film. Et moi, je pense que la question morale, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça a toujours été important chez Batman. C'est mais la c'est pas un film Batman, c'est un film Batman versus Superman. Mais du coup, parlons-en. Pardon, excuse-moi, vas-y. Oui, enfin, Batman versus Superman, juste. Il est où le combat entre Batman et versus Superman, s'il te plaît? Mais pourquoi? Moi, j'attendais pourquoi pas un film Justice League. Moi, pourquoi j'attendais pas ça. Pourquoi il y aurait dû avoir un combat? Mais parce que tu viens de dire, il y a 2 secondes, ton argument c'est. Le film ça va être Batman versus Superman. Oui, il se bat 3 secondes. Oui, mais c'est pas forcément. Mais pour un moi, Batman physique. Versus Superman, ça veut dire Batman et Superman. C'est un combat entre deux histoires. C'est un combat entre deux idées, deux façons. Et même. Et les idées, combat, elles sont. Ok, il est pas très bon, mais un combat qui aurait duré plus longtemps. Mais il est ridicule. Il est génial. Batman, il peut pas rester 100 ans à se battre contre Superman avec ses techniques. Au bout d'un moment, il va se faire défoncer. Le combat, il aurait pas pu être plus long. Non, il aurait pas pu être plus long. Si tu vois un combat de 3 quarts d'heure, c'est pas possible. Entre Batman et Superman, un combat il peut pas faire 3 quarts d'heure. Si, le Dark Knight Part 2, le combat fait 25 minutes. Où tu vois où t'as Batman qui est là qui planifie. Tu vois, il te montre tout le temps que là ils ont mis une flèche en machin. Si vous avez, là, il y a l'armure. Si vous avez pas aimé Batman vs Superman, là il a pas Green Arrow avec lui. Il est pas, ça fait pas 20 ans qu'il connaît Superman. Ils sont pas. Oui, bah oui, ils sont pas alliés. Ils ont pas été. Là, le combat, il peut pas. C'est pas. Et puis c'est pas Dark Knight. Ils veulent pas refaire Dark Knight. Ils veulent faire autre chose. C'était l'argument principal de vente. Oui, ils s'en inspirent. Mais c'est pour ça que moi. Mais le marketing et la réalisation et la réelle, c'est pas la même chose. Oui, non, mais tu peux pas, c'est pas un argumentaire de dire non, ah oui, le trailer c'était comme ça. Non, on parle de Zack Snyder qui à la Comic Con de 2013 dit on va faire le film Dark Knight. Ouais, voilà. C'était ça. Moi je l'attendais comme ça. Moi je m'attendais à lui. Et tu vois, je reprends l'argument de Tom il y a 2 minutes. Il dit ouais, mais ok, ils peuvent pas se battre 20 minutes, mais ils s'opposent idéologiquement. Ils s'opposent quand ? Ils se parlent pas. Batman, l'autre il arrive, il dit attends, on parle. Il faut qu'on parle. Il y a un truc, mais vraiment énorme. C'est vrai, il y a pas. Et l'autre il lui dit allez, je te mets les ultrasons. Et je te paye, bim les mitraillettes. Alors que dans Daredevil, la lance en t'as cette conversation. Dans Daredevil, t'as la conversation et c'est ce que j'ai préféré. C'est-à-dire, même si on n'a pas eu forcément beaucoup de combats, au moins une conversation entre les deux. Et là, ça aurait été vraiment. Tu vois tout le monde du film télé, et que Batman en veut à Superman et que Superman en veut à Batman. Donc même il y a. Non, on sait pas. Bon, on voit qu'il enquête sur lui. Ça veut dire que. Bon, on va peut-être couper parce que ça fait un moment qu'on est dessus. Que tu coupes quelques moments. On n'est pas d'accord sur le film. Et de toute façon, tout le monde sait que j'ai raison. Donc, bon, bah, je vous dis merci. Non, en fait, je vous dis pas merci. Merci d'avoir écouté. Je vous dis normalement. Abonnez-vous à ma chaîne. oui, allez vous abonner à l'Amical du Geek, pas le Geek Chic. Ça. Le Geek Chic, ils sont mieux quand même. Ne cherchez pas Tom, hein, moi j'ai pas de page. Hein. Je sais que vous m'avez aimé, mais. Vous pouvez aller chercher Maxime sur Excel. Maxime tableur Excel.tumblr.net. Vous verrez tous les meilleurs dessins en tableur Excel et les meilleurs. Enfin bon, c'est pas grave. Bon, bah merci de nous avoir écoutés. Merci. Un grand merci à la Game Taverne de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. C'était cool. Donc je vous rappelle. Et à Planète Interdite, mais déjà à la Game Taverne. Je vous l'expliquais, rappeler, c'est un bar où vous pouvez jouer à des jeux. Donc vous pouvez boire des coups et en même temps boire un verre. Tous les vendredis soirs, ils font des soirées loup-garou et moi j'y suis tous les vendredis soirs. Ah, j'aime pas le loup-garou. C'est trop bien. C'est pas grave. Avec des bons MJ et tout, on s'éclate. Venez tous les vendredis soirs pour faire des loup-garou. Ok. Et c'est cool. Et nous, on se retrouve peut-être dans 2 semaines, puisque j'avais décidé que c'était dans 2 semaines, mais on verra. Peut-être. Non, ne note pas de date. Peut-être avec une nouvelle formule encore. Peut-être avec une nouvelle formule, peut-être avec une autre équipe. On se retrouvera bientôt au cinéma. Dans 15 jours, c'est un magazine qui sort. J'ai déjà fait cette vanne. Super production. Allez, je t'ai volé ta vanne que t'avais fait la dernière fois. Mais attends peut-être un peu plus que Suicide Squad soit sorti. La nouvelle équipe, on a engagé Scarlett Johansson. Je veux dire. La prochaine version, c'est un marathon en fait. On court en lisant des comics. Exactement. On joue en Pokémon Go. Ouais, voilà. On fait une émission IRL. Ouais, mais on va faire une application. On passe au Zénith. On va donner les dates d'ailleurs, si vous voulez nous voir, notre bon, open show. Alors, on conserve dans toute la France. Bataclan, sérieusement. Je vous rappelle, peut-être rappeler les Twitter des Allez. Gens. Vous avez des Twitter, les gens, non? Non. T'as pas Twitter? Pas Twitter. RT, si t'as pas Twitter. J'ai pas Twitter non plus. Putain, vous RT, servez si à, Twitter. Vous moi. Servez j'ai à Facebook. J'ai bon. Tumblr. Bon, on va. On vous remercie tous d'avoir participé à cette émission, même si vous étiez un peu chiant. Moi je vous dis à la prochaine. Et oh putain, mon dieu, j'en peux plus. Les gens, j'en peux plus. S'il vous plaît, sauvez-moi. Et je vous dis à la prochaine. Voilà. Allez, bye. Mettez un like si vous voulez sauver James. Dis au revoir, Maxime. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci. Au revoir. Au revoir.